vous êtes assez fou. Pour l'écouter. Pour plus d'informations, visitez cifou.ca. Le plan d'aujourd'hui, assemblage requis. Daniel nous présentera une plante qui pourrait aider vos lendemains de veille ou accentuer votre volonté d'arrêter de boire. Et on parlera aussi de temps avec elle, ce qui va aller très bien avec une grosse pointe tendresse. Assemblage requis commence tout de suite. Bonjour et bienvenue à Assemblage Rocky pour la semaine du 19 juin 2017. Je m'appelle Mathieu Plante. Et moi, Tania Vaudin. Oui! Salut! Hey, ça va bien? Ça va bien, ça fait une semaine qu'on n'a pas été en onde, Mathieu. Ça se peut pas, le temps passe tellement vite. L'été est si beau en ce moment, dépendant de quel moment vous nous écoutez dans la semaine. Oui, c'est ça. Si vous nous écoutez vendredi ou si vous êtes vendredi ou peu importe, demain il fera pas beau, mais aujourd'hui il fait beau. Aujourd'hui, dans le présent de notre vie, c'est ça. Notre vrai monde réel, dans notre univers pas parallèle. C'est le moment présent qui compte. Le soleil est là en ce 22 juin. C'est voilà. Bien ça. Bref, aujourd'hui à l'émission, Tania, beau petit plan, comme chaque semaine, on va avoir des chroniques maison, ainsi que des chroniques pas maison, peut-être éventuellement, à un moment donné. Je sais qu'on va avoir tantôt Marilyn Doyon, qu'on connaît de la Chasse Galerie, qui va venir nous parler d'un petit projet qu'elle a mis sur pied avec d'autres gens. On va parler avec elle d'ici la fin de l'émission, et on va peut-être réussir à la convaincre de rester pour une grosse pointe tendresse. Mm-hmm. Aujourd'hui, on va se mettre des bonbons dans la bouche. On va essayer ça. Mm-hmm. Ah ouais, tu nous voles le punch comme ça, bing bang, toi, des bonbons. C'est une sorte de bouffe, mais je te dis pas à quoi ou comment ou dans quelle forme ou de quelle marque. C'est pas la première fois que tu fais ça, que tu voles le punch. C'est un petit peu subtil. Ouais. C'est pas subtil du tout. Jour, je volerai le punch d'un punch aux fruits. On n'a jamais goûté de punch aux fruits. Non, c'est vrai. Aussi, dans les chroniques maison, après le crime s'en vient, on va aussi avoir du sexe, mais ça ne devrait pas. Là, ta chronique s'en vient plus tard et aujourd'hui, t'en as deux, Tania. Faut que tu me le rappelles plus tard, mais t'en as oui, deux. Oui, c'est vrai, parce que Mathieu, une petite mémoire. T'en avais deux la semaine passée, puis on a oublié la deuxième. C'est bien ça. Bien, on va parler de plantes parce que la semaine dernière, c'était un petit peu le sujet que j'avais. On a parlé d'horticulture en appartement. Horticulture, c'est quand t'as mal au cou à cause que t'as fait du jardinage. Exactement. On a parlé d'horticulture un petit peu en appartement. On a parlé de jardinage. Et aujourd'hui, bien, je fais un petit peu une suite à tout ça parce que je veux vous présenter une plante qui pourrait être peut-être un miracle pour vous ou qui pourrait être votre nouvelle plante favorite. On vous en parle tantôt, puis je vais aussi parler de dents. OK. Bon, mais... mais de ce qu'on peut faire avec des dents. On sera dans un autre tantôt. Arrachez-vous pas les dents tout de suite, là. Attends que le signal soit donné par Tania. C'est ça, exactement. Donc, c'est le plan d'émission d'aujourd'hui. Plein d'autres choses s'en viennent autour de ça. On va commencer en musique comme on le fait toujours, avec une pièce du palmarès francophone. Voici... Zzzz. Ça ressemble au bruit que va faire ta chronique sur les dents. Oui. Zzzz. Voici Hubert à Assemblage requis. Oh, ça festival pas mal. Oh, on aime ça. Mais j'ai vu le monde de mes yeux sorte de mon cœur. En vrai, c'est une fleur à descendre. Avec Hubert dans Assemblage Requis. Ah, c'est rafraîchissant cette chanson-là. On aime ça, c'est l'été, hein, tu sais. As-tu vu ça, toi, les effets? Ah, ouais. Donc, maintenant, c'est le moment de sacher des choses. Comme une machine sur The Swim qui change ma vie. Voici Sex que ça ne devrait pas. On l'a. Ça existe, ça ne devrait pas. On l'a, la chronique, on achète des choses sur Internet et on le regrette instantanément. Commençons par éteindre des feux. C'est difficile, ouais. Des fois, si on dit éteindre des feux, comme dans la vie, quand les problèmes partout, sont partout autour de toi, tu veux éteindre des feux. C'est bon. Vrai. Ben maintenant, tu pourrais te sentir comme un maître Pokémon en lançant une balle qui va venir éteindre ton feu. Oh boy. Et mais, donc, pour minimiser les risques de blessures quand vous voulez éteindre un feu, c'est donc une balle qui va éteindre les feux. C'est simple, utilisé par des enfants, des adultes, c'est fait pour envoyer des produits chimiques non toxiques qui vont éteindre cet inferno devant vous pour 165$ canadiens. Oh, quand même. Dans cuisine, t'aurais ça. Dispendieux. Distributeur de balles. Ben, je pourrais aussi avoir un mini extincteur. Tu pourrais aussi, oui, effectivement. Puis, selon moi, ça devrait faire la job. Ouais, mais ce serait pas aussi le fun. Non, c'est sûr. Est-ce que t'as déjà rêvé de voir à travers le trou, tu sais, dans une porte, là? Oui! Pour pouvoir espionner la personne. Comme dans les films. Comme dans les comme films. Comme dans les vieilles serrures. Eh bien, ça existe. Pour vrai? Le Reverse Peephole Viewer. Oh! Pour voir la menace dans ta maison, voir s'il y a peut-être un cambrioleur avant d'entrer. Parce que ça part dessus le petit trou, vous allez pouvoir regarder à l'intérieur de l'appartement pour 50$ canadien. C'est merveilleux. C'est une paire de jumelles, mais avec juste un côté. Ah, OK. Ouais. Ensuite, une version miniature de ta maison. Tout est très à la mode dans les miniatures en ce moment. T'as sûrement vu à la télé les mini-maisons de rêve. Puis je dois avouer que je trouve ça beau. C'est très beau. C'est très, très beau. Je sais pas si tu vivrais longtemps là-dedans. Faut pas que t'aies une grosse famille, mettons. C'est ça. Si c'est de la grandeur d'un appartement, ça va, mais habituellement, c'est pas mal petit que ça. Exactement. Bref, transformez votre maison en maison de poupée en demandant, en faisant fabriquer une maison miniature. Juste envoyez des photos et des mesures de votre maison et vous allez recevoir un modèle architecturalement exactement pareil comme votre maison. Tout ça pour la bagatelle, 4 400$ canadiens. Ils ont même fait le petit chien en milieu du tapis. 4 400$? C'est incroyable. Il y a un sapin de Noël dans cette maison-là avec un foyer. T'sais. Si j'avais 4 400$, je ferais certainement pas faire ma maison en miniature. J'avoue que moi non plus. Ensuite, tu sais, quand tu vas aux toilettes, Tania, est-ce que tu remarques ce que tu fais dans ta toilette? Quoi? Est-ce que t'es du genre à te vanter puis envoyer ça à tous tes amis? Non, vraiment pas. T'es pas dans ce genre de genre-là? Non. Si tu faisais... Je suis genre à flusher avant de me lever. Ça te fait un petit sprinkle dans les fesses? Non, non, non, mais... C'est un peu comme un bidet, c'est ta façon de faire un bidet. Hein. Ouais, c'est ça, tu comprends. Tania, non, du Tania, tout. Tania mais bidet. C'est... Tania bidet! C'est souvent, tu sais, par exemple, ici, ils ont un œil magique. Ouais. Tu fais juste bouger un centimètre, puis ça part tout ça, ces affaires-là. C'est fatigant. C'est vraiment très fatigant, donc c'est ça qui m'arrive. Tu sais, quand je vais des toilettes de fast-food, des fois, il y a de l'eau partout sur le couvercle, tu sais. Ah, ça m'écarte. Là, je me dis que c'est du pipi, mais non, quand tu flushes, c'est vraiment l'eau qui s'éparpille partout. C'est aucunement propre. mais ça m'écœure pareil. Ouais. Bref, si tu faisais caca de lingots d'or, ou en tout cas de caca doré, je pense que là, t'aimerais ça regarder un petit peu. Ça t'intéresserait un petit peu, non? C'est sûr, ça m'intriguerait, là. C'est des pilules complètement qui vont se digérer dans ton estomac, et ton caca va briller de glitter et doré. Et après ça, tu vas pouvoir prendre ça en photo, puis vendre ça peut-être, aller à voir Guy Mongrain à Apollo Zodor avec ça. Ou... comment il s'appelle déjà, là, à LCN? Denis Lévesque! Ce serait pas pire comme émission, ça? Ben oui, hein? Je fais caca doré! Exactement. 620 $ canadiens. Ensuite, un oreiller. C'est le fun d'un oreiller. T'as besoin d'un oreiller de qualité, je pense. Oui. Est-ce que t'as des oreillers cheap, sont épais? J'ai beaucoup d'oreillers. Tu dors comment? Sur le côté ou sur le dos, comme si j'étais décédée. Aïe, avec les mains croisées sur la poitrine? Oui, aïe, je sais pas pourquoi. C'est spécial, ça. Mais depuis que je suis jeune, si je veux m'endormir vraiment, wow, non, c'est ça que je fais. Fait que t'as comme pas le choix d'avoir un copain nécrophile, quelque chose, si tu veux, pour pouvoir faire des choses avec. Non, mais ça, je l'ai fait quand je suis toute seule. Ah. Sinon, je dors sur le côté. Mais avec tes mains croisées sur le bras de ton copain. Oui. C'est ça. Donc, un oreiller, s'il était vraiment cher et de qualité, à 57 535 $ US, peut-être que ça t'intéresserait. C'est fait à la main. Si j'avais 57 000 $. Tu mettrais sur plusieurs petites maisons. C'est ça. C'est par le spécialiste du coup, Thys van der Hilst. Ah oui! Oui. Donc, si t'as 60 000 $, pourquoi ne pas t'acheter ça? Il a utilisé des scanners 3D, des imprimantes et des algorithmes mathématiques complexes pour créer l'oreiller parfait. Fait en coton égyptien et d'or 24 carats. Oh mon Dieu! Wow! Et puis c'est moulé avec de la mousse mémoire hollandaise, parfaite pour la tête, le cou et les épaules. C'est parfait pour les gens qui dorment sur le côté. C'est ça, ça vient avec 4 diamants et du saphir 22,5 carats. Pourquoi tu voudrais dormir sur du diamant? Il n'y a rien de confortable là-dedans. C'est quand c'est vraiment pas où mettre ton argent et que tu c'est veux pas en donner à des œuvres de bienfaisance. Tu sais, t'as un reçu d'impôt, pense-y si tu fais ça. Ton oreiller ne te donnera pas ça, là. Exactement. Wow. Bref, 50 000 $, presque 60 000 $ US pour ça. Ensuite, on reste dans le luxueux, tiens, pour ceux qui veulent rendre leur machin masculin un petit peu plus luxueux aussi. Pourquoi pas, c'est un kit, un ensemble de toilettage, si on veut, pour votre pipi. Incroyable. Oh boy. Donc, ça va rester magnifique et parfaitement droit, les poils bien coupés. Évidemment, avec un habit de soirée aussi, qui est une chaîne qui va autour de ton... Ouais, mais c'est parce que... ça reste pas en érection. Est-ce que c'est grossi, cette chose? C'est ça. Parce que l'érection, à un moment donné... Ouais, sur la photo, là... Il y a un gros diamètre, quand même. Vraiment, je suis d'accord avec toi. Tu sais, comme ça rentre dans mon poignet, là. Bon. T'as aussi une petite broche pour fluffer tes poils, là, pour leur faire une petite permanente. Là, c'est oui. Des petites tresses, j'imagine. Des tresses? Je sais pas. C'est ce que j'ai dit. T'as des petits ciseaux et un petit miroir pour prendre soin de ton engin masculin dans cet ensemble à 16 $ canadiens. C'est un kit cheap, on va se le dire, mais qui va avoir l'air luxueux. Ça s'appelle le Gentleman's Willy Care Kit. Génial. Ensuite, c'est merveilleux. Tu sais, est-ce que t'as la peau qui craque des fois? Qui craque? Craque. Oui, ben oui, ça arrive. Ça arrive. C'est rare, mais ça m'arrive, surtout l'hiver. Ouais. Ben apparemment que quand il fait froid et que t'as la peau qui craque, la super colle, c'est une très bonne chose. Ça sèche très rapidement. Ça va créer un bouclier qui va empêcher la douleur. Elle va protéger et va permettre aux doigts de se réparer lui-même. Donc, tu mets un petit peu de colle super glue sur ton doigt. C'est apparemment... c'est comme ça que ça fonctionne. Oh boy! Original super glue qu'on peut s'acheter sur Internet, bien sûr. Ensuite, quand tu fais du vélo, mettons, ouais. Tu dis, j'aimerais ça avoir un anti-choc pour quand il y a des bosses. Oui, ben oui. Bon, ben, tu peux avoir des chocks maintenant pour ton vélo, pour ton... ton siège de vélo. Moi, je savais pas que ça existait, donc pour être le plus doux possible sur la route, vous pouvez vous procurer ce Bicycle Seat Shock Absorber. Donc, c'est des ressorts ajustables pour aller sur n'importe quel ou presque vélo sur le marché. Ça absorbe les chocs en trois dimensions et ça peut accepter jusqu'à 485 livres. Tout ça pour 75 $ canadiens environ. Wow! Ça paraît pas trop non plus que t'as ça, donc ça a l'air de venir avec le vélo. Non, c'est vrai, ça a l'air en fait d'être le siège ouais, de vélo. Absolument. Ensuite, t'as toujours rêvé de peut-être jouer à Mario Kart dans la vraie vie. Ben oui! Tu es une fille de karting, tu es une fille de course de char. Ouais. Bon, ben, qu'est-ce qui manque dans le karting, Tania? Les filles. Non. les pleurs de bananes. Ah, oh, ben oui! Les pleurs de bananes et les carapaces de tortues, comme dans Mario Kart. Ben maintenant, tu peux avoir des cônes de sécurité, là, comme quand un endroit qui est glissant dans un magasin, peu importe, tu mettrais un cône. Ben maintenant, tu peux avoir un cône en forme de banane, de pleurs de bananes, écartillé sur le bas. C'est merveilleux! C'est génial, ça. Donc, un design de banane, tout ce qu'il y a de plus classique. C'est beaucoup plus remarquable. Donc, une pancarte normale pour 175 $ canadiens chacune. C'est vraiment cher. Ouais, ouais, vraiment. Ensuite, un chargeur à batterie. Est-ce que ça t'arrive d'avoir à charger des batteries ou est-ce que t'achètes des batteries jetables? Comme une mauvaise fille. Oh. Je vais t'avouer que j'essaye de trouver des batteries rechargeables et de les conserver. Oui, t'essayes de les trouver. Tu sais, ils vendent quand même dans les magasins. Non, mais de les trouver dans ma maison. Ah, OK, oui, oui, ben c'est sûr, oui. On se demande tout le temps où elles sont. Des fois, elles sont toutes occupées dans des machines. Exact. Dans des télécommandes ou peu importe. Ou ça, je perds le chargeur. Ah oui? Ah, ouais, c'est mon genre. Ah, moi, je perds les batteries 3A parce qu'elles sont beaucoup trop petites. Ah oui, aussi. Bref, économiser sur les batteries en les gardant tout le temps bien fraîches avec un chargeur automatique de batterie. C'est fait de piles. C'est fait pour les piles 2A et 3A. Ça vous permet d'emplir les batteries sans avoir à penser à quel bord les mettre ou à est-ce que tu mets des 3A ou des 2A. C'est comme une machine qui va gober tes batteries. Donc, tu mets tes batteries en haut, ça les met dans le bon sens, ça les recharge et ça les envoie dans un tiroir en tout. C'est comme un grill à bagel dans pareil. Les restaurants. Ils vont descendre. Pareil comme un club sandwich à cafétéria. C'est la même chose. Les batteries descendent en bas, c'est vraiment bien fait. Vos batteries, un grill cheese, même affaire. Même affaire. Trompe-toi pas de place, par exemple. Non, c'est Trompe-toi vrai. Trompe-toi pas de slot parce que des piles dans le four ou dans une poêle, ça va t'exploser dans l'enfant. Ouais, c'est pas super bon. Pas super bon. Ben, avec du poivre, ça pourrait être bon. Donc, 4 batteries chargent en même temps pour 145 $. Et en plus, il y a un petit cadran en avant pour te dire quelle heure qu'il est. Pas le fun, ça? C'est merveilleux. Ensuite, on a déjà parlé de livrer des choses chaque mois ou livrer des choses à des ennemis. On a déjà envoyé... c'est un service de fleurs qu'on peut envoyer. Il y avait un sac de caca. Oui. On va se le dire. Oui, en effet. Ici, on envoie de la terre. Oh, OK. Un sac de terre anonyme livré à la maison de votre ennemi. De façon, c'est ça, comme je l'ai dit, complètement anonyme. Elle s'envoie une poche de terre brune accompagnée d'une carte qui dit « You're a dirtbag ». Oh wow, c'est si gentil comme message. Une belle insulte en anglais qui en français marche pas vraiment. T'es un non, beau hein? gros sac de terre, ça marche pas vraiment. C'est dirtbymail.com qu'il faut aller voir, dirtbymail.com. C'est de la terre, je sais pas s'il y a de l'engrais dedans ou quoi. Là, ou... Je sais pas. Des restants de chèvres. C'est de la terre spéciale. Spéciale pour votre... Très spéciale. Est-ce que t'as déjà rêvé de pouvoir ajuster le son de la vie de tous les jours? Je me rappelle d'avoir glissé un mot là-dessus à un moment donné, mais... Ben oui. Je fais référence à ça. Ne plus entendre certaines personnes? Ça serait le fait de pouvoir le faire seulement pour certains contacts. Exact. Sur ton iPhone, tu irais, bon, OK, telle non, personne... Non, mais même juste ben, en vrai. Tu sais, quelqu'un qui arrive devant toi, là, puis... Oh! Ouais, ça n'entend plus rien. On a tous quelqu'un en tête. Oui, là-dessus. En onde. En onde. Effectivement. Ça, c'est un lapsus qui oui. révèle trop la vérité. C'est drôle. Donc, ajustez le son de la vie extérieure dans vos oreilles avec des bouchons qui sont faits exprès pour ça. C'est le Kickstarter de Knops. K-N-O-P-S, une paire de bouchons pour les oreilles qui permettent d'ajuster donc, le volume de ce que vous entendez. Oh, j'aime ça, j'en veux combien. C'est le fun, hein? Je te le dis à la fin. Donc, le bouton à l'extérieur se tourne à 4 différents niveaux. Tu peux entendre un son clair, donc sans rien du tout, ça passe directement au travers. Son de ville, musique en direct, donc spectacle et isolation totale. Donc, vous y allez comme ça vous tente. Et sur Kickstarter, présentement, c'est 62 $. Ça va être pour la paire, évidemment, ça va être envoyé à l'automne, en novembre, à la place de te tenir les mains sur les oreilles en tout temps. Mais est-ce que c'est un petit peu pas rapport, mais est-ce que ça t'arrive parfois où que quelqu'un va te parler, puis là tu vas faire quoi, puis tout de suite après tu réponds, sans même que la personne ait eu le temps de redire ce qu'elle avait à dire? Un petit temps d'analyse dans ton cerveau, le buffering de Real Player est en train de se faire. Ça m'arrive tout le temps, OK? Ouais. Puis je dois avouer qu'il y a certains moments où j'ai vraiment pas compris ce que la personne a dit, mais j'ai lu sur les lèvres. Oui, hey, je fais ça aussi. Tu finis par comprendre en analysant les lèvres ou la situation, qu'est-ce qu'elle pourrait avoir demandé. Mais il y a des gens que ça fâche, ça. Peut-être qu'avec ça, je serais mieux, j'entendrais. Peut-être. Il y a des gens qui sont vraiment sensibles, hein. C'est vrai. Des gens qui chialent pour rien, hein. Ah oui, il y en a beaucoup. On reste sur Kickstarter avec la plus petite télécommande au monde. Oh boy! Mais ça a été annulé, le projet, je dois vous l'avouer avant de vous lire le texte. Là, c'est un petit bouton intelligent qui utilise votre empreinte digitale pour changer votre main en télécommande. On pouvait assigner 20 fonctions à différentes parties de votre main. Ça dit qu'ils ont quand même ramassé 45 242 euros sur 45 000, donc ils ont réussi à se rendre à leur but, mais le financement a été annulé quand même par le créateur le 4 mai. Je sais pas s'il l'a arrêté parce qu'il y avait assez d'argent. Ah, peut-être. Peut-être. C'est pas, ben, il y a un long, long, long texte. Qu'est-ce qui arrive dans ce temps-là? L'argent revient à qui? Non, Kickstarter n'est pas un magasin. OK. Donc, quand tu dépenses, c'est pour donner de l'argent pour faire un projet, mais si c'est annulé, tu reçois pas ton le projet. Tu la perds. Tu perds ton argent, en fait. Fait que la personne qui a lancé le projet reçoit 45 000 pareil. Je pense que oui, en fait. Je suis pas sûr. Je sais que ton argent t'en revient pas, mais je sais pas s'ils la reçoivent, eux. Ou si c'est Kickstarter qui la garde. D'après moi, ils doivent la recevoir quand même. Non, je sais pas. Je sais pas, hein. Faudrait se renseigner, je vais faire une ouais, petite recherche. Ouais, parce là-dessus. Que sinon, elle va me lancer 3-4 projets sur Kickstarter, elle va toutes les annuler. Ça marche pas toujours. Je connais des gens qui ont parti des Kickstarter et ça fonctionne pas nécessairement. Non, tout le temps. C'est vrai. Faut que ce soit en anglais, faut que ce soit vraiment très pour le grand peuple et non pas pour quelque chose de très très spécifique à toi, là. Tout à fait. Bref, donc le Tabdou, ça s'appelait. Ensuite, toujours sur Kickstarter, celui-là a réussi à avoir 6391$ par 60 contributeurs. C'est une façon de simplifier vos poubelles à la maison. Donc, okay. C'est un genre de compacteur à déchets. Ah, oh, on aime ça. Un simple appareil qui va vous économiser tant d'argent et l'environnement, va sauver l'environnement en réduisant le nombre de sacs à poubelles qui vont finir dans les sites d'enfouissement. Donc, il y a une petite vidéo sur assemblagerequis.com qui vous montre comment ça fonctionne. C'est vraiment quand même assez simple. Donc, la poignée est installée sur le côté de la poubelle. Donc, tu as une poubelle normale en plastique avec un sac de plastique dedans. Mm-hmm. Et il y a une poignée un peu comme... Je trouve que ça ressemble à une poignée pour les sacs de lait. Oui, tout à fait. Et la poignée est accrochée en plastique après la poubelle. Et tu prends la plaquette avec une poignée après et tu viens écrapoutir tes poubelles toi-même. À la place d'avoir utilisé tes mains ou tes pieds. C'est merveilleux. C'est vraiment super bien fait. C'est très, très minimaliste. Il n'y a rien d'électrique là-dedans. Pas de courant à prendre, rien. Ça va peut-être faire du bras. Juste du bras. Et ça va peut-être couper en deux ton nombre de sacs poubelles. Parce j'adore que tu vas ça. Écrapoutir. J'en tu veux, hein. Tu peux trouver d'autres choses, évidemment, d'autres gadgets que ça. Mais celui-là est fait juste pour ça. Je trouve ça quand même bien. Et il y a aussi une suction que tu peux avoir pour accrocher sur les poubelles où tu oui. peux pas l'accrocher avec le crochet de plastique. Donc, une bonne idée. Ça s'appelle le Trash Press. Ensuite, quand t'es au bureau, t'aimerais pouvoir, bon, on a déjà parlé par le passé d'envoyer des élastiques à tes collègues de travail. Mm-hmm. Je sais pas, des petites billes de métal. Oui, mon Dieu, c'est agressif, ça. Ben oui, mais tu pourrais... Des boules de papier, Mathieu, des boules de papier. De papier, c'est assez, hein. Tu pourrais avoir un trébuchet aussi sur ton bureau, un trébuchet comme au Moyen-Âge, pour envoyer des choses de l'autre bord du local, ou peu importe. Non, les gens, ils lancent de l'argent. Ouais, ben, tu sais. Il y a des gens au secondaire qui faisaient ça, hein, en passant. Lancer de l'argent ou les trébuchets? Au monde. Ah ouais. Ouais. Ah, des scènes noires, hein? Ouais. C'est leur seule utilité depuis toujours, hein? Exactement. C'est ça. Donc, soyez médiéval un peu avec cet ensemble qui comprend tout ce dont vous avez besoin pour faire une version fonctionnelle de cette grande arme médiévale. Voilà. Ensuite, on continue avec de l'alcool un petit peu pour ceux qui veulent boire, mais qui, comme les filles, se traînent tout le temps une autre fille pour aller aux toilettes, elles ont aussi besoin d'une autre fille avec qui boire, peut-être. Ouais. Tu voudrais boire un shooter à deux. Ben, prends-toi chacun shooter. Ben non, ben trop difficile. Ah, ok. Prends-toi ce verre à shooter double avec une tige entre les deux, donc il y a plus d'alcool que la normale, j'imagine. Probablement. Sûrement. Donc l'alcool, tu le verses d'un côté et de l'autre côté et ça vient se rejoindre au milieu. C'est vraiment comme un... J'aime beaucoup le fait que sur une des photos, il y en a une qui a vraiment l'air de vouloir le boire, là. Oui. Là, le regard de viens t'inciter que je te boive. Ouais, vraiment. Puis elle a même la langue sortie dans le shooter. C'est vrai. Elle liche le fond. Alors, c'est... Wingman Shot Glass pour vous deux entre amis, un couple ou peu importe. C'est fait en acrylique. 2,75 onces par personne. Et ça se défait au centre pour pouvoir mieux le nettoyer. Ah, c'est comme ça. Ouais. Évidemment, il faut être soit de la même grandeur ou se baisser un petit peu si vous êtes trop grand pour l'autre. Faites attention à ça, hein? Ensuite, on reste dans l'alcool avec un machine gun de champagne. Oh boy. Si seulement ISIS, ISIL, Daesh ou peu importe utilisait ça comme arme à place. C'est vrai, hein? Ça serait bien plus le fun. C'est pas Dan Bigras qui a ça? Dan Bigras, ça, en effet. Oui, dans Dan Bigras. Non, tu sais, le gars là, qui est devenu riche juste à cause des filles avec qui il couchait. Ça me dit rien, ça. On sait pas même c'est breaking news. C'est Dan Bilzerian, là, ou je sais pas quoi, là, en tout cas. Donc, changez votre prochain party en party encore plus alcoolisé en chargeant cette bouteille style extrêmement énorme. Ensuite, on va brasser ça un petit peu et on va tirer jusqu'à 23 pieds de distance. My God. Un jet de champagne ou d'autre alcool, bien sûr. Tout ça pour $672 canadiens. C'est beaucoup? C'est beaucoup cher et en plus, le champagne n'est pas inclus, hein. Non. Charles Champagne. Hmm. Est-ce que tu trouves des fois que tu as de la misère à lire ce qui est écrit sur ton téléphone cellulaire? Certainement. Certainement. Tu sais que tu peux lire. Mais je suis pas rendu au point où que je vais le mettre à grosse écriture comme j'allais mon père. J'allais dire, tu peux y aller vraiment coche par coche et grossir de plus en plus le texte pour que ça devienne comme une ligne à la fois sur ton téléphone. Ouais, mais là, si je fais ça, c'est comme si je t'ai rendu à comme. Je veux pas descendre personne, mais 45 ans. Ouais, 45. tu veux pas. T'es trop orgueilleuse pour ça, je pense. Ouais, j'ai. Ouais. Bref, ce serait plus cool si tu pouvais avoir ce smartphone magnifier-là, qui est une télé en carton avec une loupe dedans, et que tu mets devant ton téléphone, tu mets ton téléphone en fait dedans dans un petit tiroir sur le côté, et ça va amplifier, zoomer ton téléphone pour pouvoir regarder une émission de télé, par exemple. OK, ça, c'est parfait. C'est quand même vraiment bien. Donc, le smartphone magnifier de la compagnie Lockies of London pour regarder des films, des séries de télé, des YouTubers, peu importe. Donc, pour l'utiliser, vous avez simplement trouvé quelque chose à regarder sur votre téléphone, le placer dans la fente à cassette VHS, et ensuite, vous pouvez regarder la télévision. Voilà. Génial. C'est sur Amazon. C'est bon pour les vidéos? Ben oui, pourquoi pas? Il y a plein de raisons. Sky's the limit, ça coûte 30$ sur Amazon US. Ensuite, tantôt, on a parlé de sièges de vélo absorbant les chocs. Oui. Ici, si les chocs, tu voulais qu'ils soient absorbés, mais par ton entrejambe. Ouais. Il te faudrait un siège de vélo vibrant. Oh mon Dieu! Vivez un orgasme qui va vous faire éclater la tête! Hein, avec ce siège de vélo vibrant. C'est simple, hein, c'est vraiment ça. Les ongles vont être transférées vers le siège pour 63$. Ça va vous faire sourire d'un bout à l'autre de votre tête. Dommage, je fais pas de vélo. Ma. Ensuite, on a parlé la semaine passée de chandelle qui sentait le papier de divorce, si je me rappelle bien. Oui, ben oui, mon Dieu. Ouais, cette semaine, c'est une chandelle qui sent le pet de chien. Oh non! Dachshund Farts. C'est comment on appelle ça, les chiens saucisses, je pense, c'est oui. Dachshund. Donc, votre maison va sentir ça. C'est fait à la main et c'est rouge. Senteur, odeur, parfum délicieux fait de biscottis aux amandes et de cordial aux cerises. Et ça vient dans un pot maçon de 8 onces. Arc! Tout ça pour 15$, 13$, 17 canettes. Je tiens à dire que pour le même prix, tu peux avoir une chandelle aussi qui sent le pet de licorne. De licorne! Est-ce que ça sent meilleur, tu crois, le pet de licorne? Je penserais pas. Ça reste un pet, mais c'est une licorne. C'est ça. C'est ça. T'as vu les licornes pour le petit bain, le Squatty Potty, hein? Oui. Qui fait caca de crème glacée. C'est dégueulasse. Dégueulasse. Ensuite, un lit portatif pour les enfants et pour les adultes, le Disco Beds. Déjà, le nom est cool quand ouais, même. Ouais, c'est ça. Disco Beds. Mais c'est vraiment un lit 2 étages, transportable. Oh! Fantastique. Donc, vous pourriez amener ça en camping, vous pourriez mettre ça dans votre petite maison dans les arbres, peu importe. Donc, c'est portatif et c'est grade militaire, modulaire. Ça peut être utilisé aussi pour des parties pyjama. C'est disponible en grandeur pour enfants, le Kiddo Bunk qu'on appelle. Et puis une version extra grande, extra large pour les adultes. C'est à l'épreuve de l'eau, c'est lavable à la machine. Un tissu polyester 600D et de l'aluminium, de l'acier inoxydable, pardon, pour le frame, là, comment on appelle ça. Ça s'assemble facilement sans outils du tout. Ça peut se transformer aussi en divan, et ensuite en lit double et ensuite en lit simple. La version pour enfants est pour les enfants jusqu'à 5 pieds ou les gens jusqu'à 5 pieds et jusqu'à 200 livres. Et puis ça peut se désassembler et se mettre dans une petite pochette avec un zip pour mettre en dessous d'un vrai lit ou peu importe. La version pour adultes, elle, va jusqu'à 6 pieds et 500 livres. Et on peut en lire plus sur discobed.com et commander sur Amazon. Ça coûte entre 270 et 435$ US. Wow! Quand même bien. Ensuite, on reste couché un peu. Des fois, t'as peut-être chaud pendant la nuit. Ben oui, oui. Est-ce que t'as un air climatisé dans ton nouvel appartement? J'ai une fan. T'as une fan? C'est peut-être pas assez l'été, je trouve. Non, mais apparemment, ma fan est désagréable à entendre la nuit. Ah ben, OK. C'est elle, ta nouvelle coloc, ou? T'as déjà l'air fatigante, ta fan. Non. En fait, c'est une fan sur pied qui peut bouger. OK. C'est vraiment plaisant comme fan, là. Moi, j'adore ça. Je l'ai eu pendant 4 ans, l'appartement aussi à Montréal, mais apparemment qu'elle est vraiment très bruyante. T'es habituée, toi? Ouais, moi je suis habituée. On dirait que ça m'endort plus vite. Ah, il y a des gens que c'est le même, c'est vrai. Ouais. C'est... Bref, tu pourrais échanger ça dans ton futur appartement pour une bed fan. C'est un ventilateur de lit qui en fait s'intègre en dessous de ton matelas. C'est comme une genre de barre verticale avec une autre barre horizontale qui va en dessous de ton matelas. Et l'air passe en dessous de tes draps. Oh, on adore ça. Ça passe directement sur ton corps. Donc tu vas pouvoir rester abrié tout en ayant le froid. Pas le froid, là, mais la température que tu désires. Et puis c'est très silencieux. Ça envoie de l'air. On dit que ça envoie de l'air chaud en dessous des draps et que ça te garde au froid, donc. Donc, je sais pas comment ça fonctionne, scientifiquement parlant, mais ça coûte 115$ canadiens. C'est pas si pire. Pas pire. Bed fan. Voilà. C'est sur Amazon. Ça s'appelle Bedfan, par la compagnie Topkins Research Inc. Voilà. Ensuite, continuons avec une petite canne à pêche. Tu sais, quand tu fais du petit feu de camp là, l'été, là. Oui. Tu veux te faire griller une guimauve. Oui. Ça te tente pas d'aller chercher une branche dans le bois puis manger des écorces d'arbres. Honnêtement, souvent, je me dis pourquoi je plante du bois sur lequel peut-être un chien a fait pipi dans ma guimauve. Regarde, plus tu fais une écharpe de bouche, puis c'est pas le fun. Ouais. Bon. Non. Donc, il te faut une petite canne à pêche, c'est vraiment cute. C'est une petite canne à pêche avec un bout de bois au bout. Et puis, t'as une corde, et puis tu viens accrocher après la corde ton petit rack de 4 guimauves, comme on peut le voir ici. Et okay. Puis tu fais tremper un petit peu comme un nuage là qui tue dans Mario Bros. Tu fais tremper ton, tes guimauves sur le feu. 145$! Ouh. Je comprends pas comment ils peuvent justifier ça. Tu peux aussi faire griller des saucisses. C'est fait en acier inoxydable et la poignée est en bois. Donc c'est absolument parfait, nous dit-on, les matériaux parfaits pour faire chauffer quelque chose sur un feu. Hmm. Ben trop cher, ça, voyons-le. Voyons-le. Ici, dans la forêt, il faut même griller une guimauve et une saucisse en même temps. La vie est belle, hein? C'est merveilleux. Ensuite, qui mange des saucisses puis des guimauves en même temps? Yark, hein? Ben quoi que le sucré salé, c'est des saucisses. Quoique, en camping, c'est correct. C'est comme le seul moment où t'as le droit. Ça pis Noël. J'avoue. Je ferais griller, tu sais, les dates. Là, c'est quoi l'affaire aux dates? Date et bacon, je pense. Saucisses et dates que j'ai goûté. Ouais. C'est vraiment bon, hein. C'est un peu le même concept. Ben, tu sais, OK, c'est correct. Je serais capable de manger un s'mores puis après manger une saucisse à la dog en camping. Ouais. Sucré salé, hein. Ah, ça donne le goût d'aller en camping, là. T'as envie de faire griller Patrice Bélanger. est-ce que t'as déjà rêvé de te stationner sous la terre et d'avoir ton stationnement libre pour mettre d'autres choses? Eh bien, oui. Ben oui. Donc, construis-toi ton propre stationnement underground, hein, en cachant donc ta voiture supercharge, ta nouvelle New Beetle 2004. Crime, je l'ai eu du premier coup. Oui. C'est qu'est-ce qui se passe avec mes mémoires? donc, tu vas pouvoir cacher ta New Beetle 2004 en dessous de ta cour pour, évidemment, un prix exorbitant de 89 243$. Si j'avais 89 000$, t'aurais pas une New Beetle 2004. C'est ça. C'est ça. Donc, ça va protéger ta voiture des éléments, bien sûr, des tornades mauriciennes et autres trucs comme ça. Ensuite, est-ce que t'as une montre en ce moment? Je vois pas. Oui. T'as une montre? Est-ce qu'il faut la craquer? Oui, mais bon. Présentement, elle n'indique pas la bonne heure. Ben, qu'est-ce que tu fais avec ça? Parce que... Ah, raconte-nous ça. La batterie est... Je sais pas pourquoi, la batterie, elle arrête puis elle recommence sur ma montre vraiment fréquemment. Et je ne regarde jamais l'heure pourquoi sur ma montre. Pourquoi tu portes une montre? Mais si je ne porte pas de montre, je me sens tout nu. Tout nu du poignet. J'ai toujours eu une montre depuis que je suis toute petite. Ouais. Donc, si j'ai pas de montre, j'ai comme... Il manque quelque chose. J'ai comme des palpitations cardiaques, là. Ça file pas, là. Je comprends. Je fais la même chose avec mon téléphone, mais j'avoue que ça fait depuis l'adolescence que j'ai pas porté de montre et ça me manque pas du tout côté confort. En fait, c'est aussi pour le look. Ah, c'est vrai qu'elle est belle, par contre. Merci. Bon, donc, si t'avais plusieurs montres à la fois et que tu voulais les crinquer, crinquer à montre, comme on dit. Tu vas te crinquer à montre. Crinquer à montre. Donc, la job de crinquer les montres, c'est quand même assez simple, hein. C'est de tourner ça plusieurs fois, oui, et puis c'est pas mal tout ce que t'as à faire. Des fois, si t'as à passer le temps, tu peux jouer avec puis oui, la recharger. Mais faites attention, vous faites aussi la briser en faisant ça. Ah, pour vrai? Ouais. Ah. Ah, donc, Barrington Watch Winders. C'est une façon de craquer plusieurs montres à la fois. C'est super mignon, là. Chaque winder, chaque craqueur, si on veut, a un moteur silencieux qui va pas vous rendre fou pendant que ça craque. Il y a un contrôle directionnel pour aller dans le sens des aiguilles, dans le sens contre-horaire, anti-horaire, ou alterner entre les deux. Et l'option aussi de mettre le nombre de tours par jour à 650 ou à 1950. Ça vient avec une version aussi pour une seule montre, donc un seul crinqueur. Mais ceux qui ont plusieurs montres mécaniques pourraient y aller pour un modèle à 2, à 4, à 6 ou à 12 pour garder votre collection toujours bien à l'heure, même pendant de longues périodes d'absence. Tout ça pour quand même un prix qui m'impressionne par son petit nombre de chiffres, 180$. Oh mon Dieu, c'est pas si pire. Pas cher. Et plus, bien sûr, c'est peut-être pour le modèle à une seule montre. Peut-être. Tiens, je me rappelle que t'as parlé que tu voulais installer de la tapisserie dans ton nouvel appartement. Oui. J'ai mon Dieu, t'as une bonne mémoire quand tu veux, hein? C'est vraiment les choses pas importantes que je retiens. C'est vrai. C'est pas mal un pattern chez moi. Parlant de pattern! Oui! Non, tu vas pouvoir t'imprimer du pattern sur ton mur avec vraiment quelque chose d'impressionnant. Trop tard, c'est acheté. Ah, dommage. C'est un rouleau à peinture qui peinture un pattern. Ah, mais le rouleau coûte plus cher que ma tapisserie, ça va pas bien. Effectivement, mais tu vas pouvoir l'utiliser dans plusieurs pièces. Ah, et, comme ça. Sans avoir à t'en faire. Donc, le pattern lui-même va prendre la peinture sur le deuxième rouleau. C'est comme un rouleau à peinture, sauf qu'il y a deux rouleaux. Il y a un rouleau qui a la forme des petites feuilles d'arbre ou de plantes, peu importe. Et l'autre rouleau, c'est la peinture. Donc, tu passes ça dans le truc à peinture et puis ça va venir estampiller comme ça, comme on fait avec des patates là, sur des feuilles au bricolage au primaire. Mais c'est vraiment beau. Très joli. 35$ canadiens, c'est pas cher. Facile à utiliser, ça vient avec un joli pattern que t'as simplement à rouler sur le mur. Évidemment, faut l'enligner pour que ce soit... Ouais, c'est ça, exact. Sinon, ça fait un petit peu bizarre. Ensuite, on parle de drones souvent, ces temps-ci. On parle aussi de selfie. Pourquoi ne pas combiner les deux avec le selfie drone? Ah, mon Dieu, j'ai vu ça. T'as vu ça, un drone à haute technologie qui peut décoller et atterrir facilement pour pouvoir prendre des selfies de toutes les hauteurs, de tous les angles. Jusqu'à 98 pieds de distance, c'est piloté par une application sur le téléphone cellulaire. Ça évite les obstacles. Il y a un paquet d'affaires, là, la stabilisation du vol qui crée comme un genre de trépied dans les airs. Une caméra 12 mégapixels avec stabilisation électronique et mécanique et un flash 1080p, 60 images secondes, pile rechargeable qui donne 8 minutes de vol pour 90 minutes de recharge. Parfait pour les vacances, les parties ou juste prendre des selfies normaux. Mais pour vrai, avec ce genre de choses-là à 98 pieds, tu pourrais prendre non seulement des selfies, mais aussi des photos de la piscine avec l'environnement, tout le monde qui a du fun. Ça pourrait être vraiment bien, je trouve. Tout à fait. C'est par Amaker Schlemmer et ça coûte 300$ US. Ensuite de ça, on conseille avec une chaise pour les gens qui sont vraiment tout seuls dans la vie et qui, je crois, veulent rester seuls, n'est-ce pas? Oui. C'est une tente pour une seule personne. Donc, quand t'es assis, peut-être à un match de soccer ou peu importe, exactement. Match de baseball. Moi, je pense que si aujourd'hui, là, je jouais encore, ou s'il y avait eu ça dans le temps que je jouais au soccer, ma mère aurait certainement apprécié avoir une chaise comme ça pour s'éloigner des moustiques. Exactement. Et des gens. Oui, aussi. Qui viendront jamais parler. Ils vont pouvoir te parler au travers du screen, mais c'est vraiment littéralement une petite cabane. Ça ressemble à un porta-potty, un genre de toilette portable, mais en screen. T'es assis dans ta chaise. Et puis tu regardes ce qu'il y a devant toi sans rien de plus à dire. C'est parfait peut-être pour les concerts. Je sais pas si le festival te laisse entrer avec ça parce que tu prends la place de comme 4-5 personnes. Je sais pas, hein? Sûrement pas, mais c'est un one size fits all. C'est la Forever Alone Chair. Même le nom de la chaise le dit. C'est pour les gens qui sont tout seuls. Continuons. Il nous en reste deux petits derniers. On va finir là-dessus. Donc il y en a un qui est un bikini, qui est parfait pour ceux qui veulent rire de Facebook un petit peu. Tu sais, Facebook, quand tu montes des tétines, des mamelons. Tu fais retirer ta photo, c'est pas mamelon. C'est pas mamelon. Ouais. Genre, c'est un supposé jeu de mots, mais ça a pas vraiment marché. Moi, non, j'ai bien compris. Donc, c'est un bikini avec des mamelons dessus. Donc, dans le fond, t'es pas tout nu. Fait que ça va passer. Tu vas pouvoir te faire prendre en photo, prendre des selfies de toi avec les seins nus, mais c'est pas tes vrais seins. Fait que tout le monde gagne. Voilà. C'est pas fou. C'est pas fou du tout. Donc, un bikini avec des nipples dessus, très titillant pour les gens qui vont vous approcher de près ou de loin. 40$ canadiens. Ce qui est drôle, c'est que tu peux ajuster le haut de ton bikini à la couleur de ta peau. Absolument. Mais pas la tétine et sa position sur ton sein. Non, en effet. Il y en a qui ont dit que c'est plus vers l'extérieur. Là, ouais, mais tu sais... Ça, c'est one size. On calcule pas ça, malheureusement. One size titties. Et pour terminer dans le sexe, toujours, allons-y avec le strip club Cash Cannon. Quand tu t'en vas voir des filles danser dans un strip club, t'aimerais aussi lancer de l'argent « Make it rain ». Mais t'as pas assez de billets pour le faire avec tes mains. C'est ça. Il faut que tu ailles avec le cash cannon, donc t'insères les billets d'argent dedans et puis tu peux facilement tirer les billets sur la personne. C'est construit pour la rapidité et la performance. Ça va tirer toutes vos économies sur le plancher de danse en temps record, nous disent-ils. Wow. Tout ça pour 212,09$. C'est la danseuse qui va être contente. Ouais, ben je sais pas le nombre de paper cuts que tu peux te faire avec ça, mais... Tu sais, à la vitesse à laquelle ça sort du gun, il ne te reste plus grand-chose après une demi-heure. C'est ça! mais c'est mieux de tirer ça que de tirer d'autres choses dans tes culottes. Ah, c'est sûr! Voilà pour ça, ça ne devrait pas là les notes de l'émission sur assemblagerequis.com dans les notes de l'émission 11-10. Voilà. On prend une pause, crime. Le temps file vraiment, vraiment vite. Dans quelques instants, on va parler avec Tania pour sa première chronique. Oh oui! Oh oui, mais avant ça, on écoute une pièce de Days, Tania. Est-ce que tu me parles de... Oui, Heavy Soul Part 1. Heavy Soul! C'est eux qui étaient en studio avec nous la semaine passée en direct et là, on les écoute pas en direct. C'est ça. C'est préenregistré. Vous êtes à Assemblage Requis sur C'est Fou. 89 FM. Thank you. sound left the anger bloom. Take over yourself, that is not your way. Heavy Soul Part 1. On se rappelle, ils l'ont fait en acoustique la semaine dernière. C'était bon, hein? Oh, c'était écœurant. Vous pouvez retrouver la balado-diffusion sur assemblagerequis.com. On prend une petite pause au retour. Tania nous parle de plantes. Ouais. D'horticulture ou d'aparticulture. C'est comme un jeu de mots avec appart. Non? Oui, exactement. Assemblage Requis, restez là. Vous êtes assez fou. 89. Pour plus d'informations, visitez cifou.ca. Toujours à Assemblage Requis pour la semaine du 19 juillet 2017. Elle est Tania Baudin. Et Mathieu Plante. Et maintenant, c'est le moment de parler avec Tania pendant un bon bout de temps. On va parler, en fait, d'horticulture. Ok, oui. Hein? Voici Tania is gonna entertain you. C'était une petite Tania qui voulait être pro des médias. Fait qu'elle est allée à l'école et puis maintenant à l'école, c'est Tania. And she's gonna do the she's gonna do the Tania Baudin. Oui. Encore, comme la semaine passée, c'est la suite, finalement, partie 2. Exactement, on parle encore un petit peu d'horticulture. Je vais vous parler d'une plante en particulier qui pourrait peut-être révolutionner votre monde. Hey, tu mets la barre haute, là. Tu mets vraiment la barre haute. Ouais, je sais. Mais peut-être que certains d'entre vous ont des lendemains de veille qui font quand même assez mal. Et peut-être que certains d'entre vous souhaiteraient, en fait, réduire votre consommation d'alcool. Oh, sage. Dans les deux cas, j'ai une solution pour vous. Qui fait les deux. Qui fait les deux. Wow. En fait, on parle d'une plante vivace qui fait partie de la famille des Fabacées, qui est originaire d'Extrême-Orient. Donc, c'est une des espèces du genre Poeraria et elle est cultivée dans son aire d'origine, entre autres pour ses racines qui, eux, vont fournir une fécule alimentaire. Donc, c'est surtout la fécule alimentaire qu'on va utiliser sur cette plante-là, mais qui est surtout fait à base de la racine de la plante. Et je vous parle du kudzu. Kudzu! Kudzu! Si certains d'entre vous l'avaient déjà entendu comme ça en nom ou parce que c'est très français de l'appeler le kudzu, bien en fait, on en a parfois dans l'alimentation. Donc, du côté culinaire, c'est des parties qui sont non ligneuses de la plante, qui sont comestibles en fait. Et il y a des jeunes feuilles qui peuvent être, pas jeunes filles, hein, jeunes feuilles, qui peuvent être consommées en salade ou encore qui sont cuisinées comme un légume feuille. Tu sais, les gens qui ont une alimentation quand même assez basée sur les plantes, basée aussi sur tout ce qui est cru, tout ce qui est pousse dans la terre, eh bien, parfois, ça peut faire partie de cette alimentation-là. Et leurs fleurs, eh bien, si on les fait frire en beignet, c'est une chose à laquelle on peut ajouter un aliment à nos beignets. Mm-hmm. On peut aussi utiliser les racines qui vont être riches en amidon. Donc, on peut les préparer pas mal souvent comme n'importe quel tubercule qu'on va avoir la chance de pouvoir cuisiner à certains moments. Les racines, on l'a dit, c'est féculente, c'est des racines féculentes de cette plante qui sont réduites en fine poudre et ça va servir à préparer diverses sortes de, par exemple, de confiserie traditionnelle japonaise. On en voit surtout dans les bonbons japonais. C'est aussi utilisé en phytothérapie et c'est additionné aussi d'eau et on le fait chauffer et ça devient beaucoup plus clair, ça devient comme une espèce d'épaississement alimentaire comme nous on pourrait utiliser par exemple du bicarbonate de soude ou on pourrait utiliser exactement de la fécule de maïs. Donc on l'utilise comme ça, un petit peu comme nous on utilise pas mal n'importe quoi du côté alimentaire, mais si on y va avec le kudzu pour ses bons petits côtés là quasi médicinaux. Magique. Exactement. En fait, c'est une plante qui pourrait diminuer notre consommation d'alcool. Mm-hmm. Le kudzu, c'est un remède qui va être naturel et c'est reconnu, entre autres, pour réduire l'envie d'alcool et combattre les problèmes qui sont liés à la boisson. Fait que tu prends un coup, puis après ça, tu prends un kudzu. Bien, en fait, c'est un supplément qui est réputé pour aider justement à combattre la dépendance à l'alcool, mais surtout la dépendance en général. Donc, vous allez pouvoir voir à certains moments des gens qui vont être accros à l'alcool, le stress, le tabac et tout ça. Bien, c'est une plante qui peut s'avérer être très bonne pour ces gens-là. C'est une racine, encore une fois, comme je le disais tout à l'heure, qui peut vous aider à vous libérer, surtout de vos addictions. C'est naturel, donc en temps normal, ça devrait être quelque chose de bon. Est-ce que c'est une plante qui est employée à bon escient de ce côté-là? Exactement. Est-ce que c'est efficace? C'est surtout la question qu'on se pose souvent. Eh bien, vous allez la retrouver mélangée la plupart du temps à d'autres aliments naturels. Ça va surtout se trouver en gélules. Si vous allez, par exemple, dans un magasin de produits naturels, bien, c'est souvent là que vous allez pouvoir demander des capsules de kudzu et que vous allez pouvoir faire peut-être... l'achat de quelques petites capsules qui vont vous aider à réduire votre consommation d'alcool. Comment est-ce qu'on utilise le kudzu? Bien, si on cherche du kudzu dans le but, justement, de réduire notre consommation d'alcool, c'est probablement sous la forme de comprimé qu'on va le trouver. Tout à l'heure, on parlait de la racine. Ça va être encore fait à base de l'extrait de racine qu'on va acheter ce produit-là, mais vous n'allez pas acheter la racine même, puis c'est cette racine-là qui va avoir l'effet de réduire votre consommation d'alcool. En fait, vous allez trouver du kudzu blanc. Ça va être crayeux. Ça va être aussi séché dans certains magasins d'aliments naturel et vous pouvez aussi vous le procurer de l'extrait de racine de kudzu sous forme soluble ou en sachet. Vous allez incorporer ça à des soupes ou encore à d'autres plats. Et la racine elle-même, c'est une racine qui est quand même assez massive. C'est aussi fibreux, donc on vous dirait pas de manger la racine comme ça là, pour que votre... C'est ça, exactement. Mais vous allez l'employer dans votre alimentation. Il y a des chercheurs en médecine qui préviennent, par contre, que l'utilisation prolongée de cette racine-là, surtout si on l'accompagne avec de l'alcool ou qu'elle est ingérée peu de temps après avoir consommé de l'alcool, ça pourrait augmenter les risques de cancer. C'est comme un petit peu aussi n'importe quoi dans la vie de tous les jours. Ouais. Là, renseignez-vous au pire avant. C'est ça, exactement. Il faut se renseigner, mais si on songe justement à utiliser le kudzu pour combattre, par exemple, une maladie cardiovasculaire chronique pour laquelle vous prenez déjà des médicaments, bien, prenez le temps de consulter votre médecin avant de savoir si le kudzu, ça va vraiment être une bonne chose pour vous. Une bonne chose à faire pour à peu près tout. Hein? Exactement. Surtout mélangé avec d'autres médicaments. Ouais. On ne voudrait pas qu'il arrive quelque chose. Bon, on voudrait si on vous aime pas. Oui, c'est ça. Ça dépend de la personne. Qu'est-ce qui va arriver sur votre organisme à ce moment-là? Bien, il y a plusieurs études sur des cultures cellulaires en laboratoire, sur des souris aussi qui ont été faites pour en fait comprendre l'action des composantes biologiques de cette plante-là. Et les principaux buts étaient de vérifier si la plante possédait les vertus médicinales qu'on lui prête. Parce qu'on dit, bon, ça va réduire tes envies de vouloir boire, ça aide aussi à un lendemain de veille. On a observé que les fleurs du kudzu, ça pouvait accélérer l'élimination de l'acétaldéhyde de l'organisme. Et ça, tu l'avais le premier coup, t'as pas besoin de le répéter, tiens. L'acétaldéhyde, c'est un sous-produit toxique qui agit dans la dégradation de l'alcool dans le sang. Donc, c'est à l'origine de plusieurs symptômes de cette fameuse gueule de bois que vous avez le lendemain. Ouais. Et si on prend du kudzu, eh bien, ça va aider à éliminer cette toxine-là, disons ça comme ça, qui, elle, prend son temps à dégrader l'alcool de votre corps. Donc, les extraits du kudzu, ça devrait vous aider. On a justement un extrait du kudzu. Oui, c'est ça, exactement. c'est riche, il faut le savoir, c'est des composants qui vont être très riches, qui sont réputés aussi pour leur priorité antioxydante et anti-inflammatoire. Et il semblerait aussi que ces composantes-là, bien, ça aide à abaisser le cholestérol et la pression sanguine. Ça va aussi aider à prévenir l'ostéoporose et plusieurs autres types de cancers. Mais faites attention, si vous l'utilisez avec d'autres choses, ça peut vous produire le cancer. T'sais? Donc, consultez un médecin si jamais vous avez d'autres problèmes de santé. Mmh. Mais le nombre plutôt limité en fait, d'études qui ont été faites en clinique sur les humains, ça a donné des résultats qui étaient quand même assez mitigés, dans lesquels on pouvait confirmer le rôle actif de la racine du kudzu ou le ralentissement du besoin de l'alcool. Qu'est-ce qu'on a fait, en fait? C'est que dans une étude, on a pris des gens sur lesquels on leur a donné le kudzu, en fait une pilule de kudzu, et pour d'autres, on leur a donné un... placebo. Placebo, voilà. Et on s'est rendu compte que les gens qui avaient le placebo n'avaient pas l'impression qu'ils avaient moins envie d'alcool. Ils avaient toujours envie autant d'alcool. Ça veut tout dire, dans le fond. Faut faire la marge ou le gap, comment dire, la marge entre le placebo et le vrai médicament qui nous donne un pourcentage de fiabilité du vrai médicament. Exactement. Et pour les gens qu'on avait donné le bon médicament, c'est-à-dire le comprimé de kudzu, eh bien, on a pu remarquer que les gens prenaient beaucoup plus leur temps pour boire leur bière ou leur verre, et après un certain temps, on n'avait plus le goût d'en boire. Oh, wow! Donc, ça réduisait vraiment cette envie d'alcool-là dans notre sang. Et même lorsqu'on buvait notre bière, parce qu'ils ont fait, en fait, l'étude accompagnée d'alcool qui était de la bière, bien, les gens prenaient beaucoup moins de gorgées, ce qui mettait beaucoup plus de temps à boire chaque bière qui leur était donnée. Et après un certain temps, on s'est rendu compte que les gens, après deux, disaient « Non, non, c'est correct, j'en veux plus. » C'est vraiment magique, pour vrai. Exactement. Donc, les chercheurs ont présenté et ils ont mis aussi à l'épreuve plusieurs de leurs théories pour essayer de comprendre l'effet du kudzu sur la réduction de la consommation d'alcool. Et on a notamment découvert que la racine, bien, ça augmentait le taux d'acétaldéhyde dans le sang, ce qui pourrait entraîner, entre autres, l'apparition des symptômes de la gueule de bois. Mais ces symptômes ont été aussi observés dans les expérimentations qu'on a fait. Donc, si on sent qu'on a les symptômes de la gueule de bois, on arrête de boire beaucoup plus rapidement. C'est un petit peu ce que va produire le kudzu sur vous. C'est que si vous mélangez, par exemple, de l'alcool avec du kudzu, vous allez avoir l'impression d'avoir une gueule de bois avant même d'avoir une gueule de bois. Wow! Donc, qui aime avoir une gueule de bois, non, sérieusement? T'arrêtes là. Ben oui. C'est un petit peu ce qui fait en sorte que le kudzu devient un petit peu une plante miracle pour plusieurs. Ben voyons donc, comment ça que tout le monde n'en parle pas de ça? Faut que tout le monde en parle. Hein? C'est un petit peu... une plante miracle, ouais. Disons ça comme ça. Et ça accélère aussi le rythme cardiaque et ça va dilater les vaisseaux sanguins, ce qui pourrait permettre à l'alcool de circuler beaucoup plus facilement dans l'organisme, beaucoup plus rapidement aussi. Mm-hmm. Donc, ce qui fait que l'élimination va être beaucoup plus active et qui va être beaucoup plus facile pour votre organisme à évacuer. Et de ce côté-là, bien... soit vous allez réduire votre consommation d'alcool ou vous allez juste plus en prendre, tout dépendant de si vous aimez les symptômes d'une gueule de bois. Je peux pas croire que les gens aiment ces symptômes-là. Je peux pas croire, moi non plus. J'ai ça. En fait, il y a certaines personnes qui disent que ça fonctionne mieux qu'une patch. Pour certains, tout à l'heure, je vous parlais du tabac, je vous parlais du stress aussi. Mais c'est une plante qui est quand même assez curieuse parce qu'on a plusieurs vertus par rapport à cette plante-là. Et c'est utilisé depuis plusieurs milliers d'années dans la médecine chinoise pour soigner justement les addictions. On parle entre autres de migraines, on parle aussi des vomissements, de l'hypertension. Et aujourd'hui, bien, c'est principalement utilisé pour aider à se passer de toutes les drogues du quotidien. Donc l'alcool, le tabac, le sucre, la caféine aussi. Et ça fait en sorte que votre système va moins avoir besoin de ce qu'il a toujours besoin en termes d'addiction. Donc quelqu'un qui fume, je sais pas moi, un paquet par jour, si on commence à prendre le kudzu mélangé à ça, on va mal se sentir. Donc on va réduire notre consommation de cigarettes ou notre consommation de café ou notre consommation d'alcool. Wow! Encore une fois, c'est merveilleux. C'est merveilleux, c'est fantastique. C'est vraiment fantastique. Comment t'appelles kudzu? Kudzu, c'est K-U-D-Z-U. OK. Et comme je le disais tout à l'heure, vous pouvez probablement en trouver n'importe où dans les magasins de produits biologiques ou naturels. On voit des étalages de produits comme ça avec tout plein de noms puis différents. Puis on se dit tout le temps, à quoi ça sert? Qui achète ça, du kudzu? Qui achète ça? Ben, dorénavant, ce sera peut-être vous. Tu sais, on se dit... peut-être que je devrais suivre les conseils sur une bouteille bien souvent. Ben avec le kudzu, peut-être que pour certains, ça devrait être une option. Ben c'est ça. Et peut-être qu'à la place de marquer juste le nom de ce qu'il y a dedans sa bouteille, il devrait mettre quelqu'un qui a la gueule de bois. Aussi, l'autre qui a mal à la tête. Un petit peu. Les symptômes seraient peut-être plus au lieu de la plante elle-même. C'est ça. Hein? Attirez-nous. Voilà. Et voilà. Merci, Tania. Ça fait plaisir. Une autre chronique plus tard. Ben oui. Vers la deuxième moitié de l'émission. On s'en parle tantôt. Du kudzu, t'as dit qu'on pouvait mettre ça dans des beignets. Est-ce que tu as dit de la soupe? Oui, on peut en mettre dans de la soupe. Ben, écoutons soupe par Not You à son âge requis. Soupe. I'm au retour de la pause. Est-ce que t'as déjà écouté Cendrillon? Non. Il y a une souris qui dit tout le temps ça dans Cendrillon. Au retour de la pause après le crime, Assemblage Requis, reste avec nous. C'est fou, 89 ans. Vous êtes toujours dans l'assemblage requis sur les ondes de C'est fou 89.1 FM. En passant, ça vient de sortir sur la page Facebook de C'est fou, mais on le sait, vous êtes plusieurs à nous contacter comme quoi il y a quelques complications avec l'écoute en ligne ces derniers jours. Complications dans le sens que ça ne fonctionne pas. C'est ça, exactement. Il y a une panne de courant qui a affecté le système pour le stream, mais sachez que dans les prochains jours, ça va être rétabli, mais on est toujours disponible directement au 89.1 FM sur une radio normale, là, les vieilles radios, là. Old school, la petite molette, la petite roulette, oui. 89,1 FM, c'est complètement à gauche de votre radio la plupart du temps, ceux qui ont encore un radio avec une molette. Exact, mais sachez-le, ça va être rétabli dans les prochains jours. Voilà, puis précédez-nous sur le numéro 1 de votre radio si vous êtes plus récent. Oui. Tu tiens le bouton, puis ça programme la radio au numéro 1. On aime ça. Numéro 1. Maintenant, tiens, Colin. Hey, on va parler de choses qui sont un petit peu lugubres, on va changer complètement d'humeur en studio. Voici Après le crime. Tous les chemins. Après le crime, la chronique dans laquelle on parle, de gens qui ont fait des mauvaises choses et qui vont peut-être finir par goûter à leur propre médecine, je pense. Hein? Mmh. Un petit peu de coup de zou. Commençons en Virginie, où quelqu'un qui était en congé, quelqu'un qui a été mis en congé, voilà, par les grands décideurs de la commission scolaire après avoir versé de l'eau bénite sur la tête d'un enfant qui avait été pas correct. Ben là. Ouais. Donc, c'est selon Newport News en Virginie, le directeur et la secrétaire de George J. McIntosh Elementary sont entrés dans une classe pour gérer un élève potentiellement pas correct. Donc, ils ont dit à tout le monde de quitter la pièce et ils ont placé de l'eau bénite sur le front de l'enfant. Ils ont prié pour cet enfant-là. La mère de l'enfant était à l'école, elle était bénévole, quelque chose, on sait pas trop quoi, c'est pas spécifié, mais elle s'est plainte et en a parlé donc au pouvoir administratif. Donc, les deux personnes qui font partie de l'administration de l'école sont en congé payé pendant que le district conduit son enquête. On n'a pas plus de détails, mais qu'est-ce qui fait que quelqu'un dans une école, séparation de l'Église et de l'État, l'eau bénite à l'école, ça se fait pas. C'est drôle parce que ça se faisait dans le temps. Oui, dans le temps, mais plus en 2017. Non, en effet. Ensuite, un homme du Mississippi qui aurait tiré et tué 8 personnes a dit que Dieu allait le pardonner. Corey Godbolt. Le gars s'appelle Godbolt. C'est ça, il était prédestiné à faire quelque chose par rapport à la religion. Il aurait tué 8 personnes. Évidemment, c'est un tireur fou. Là. Il a tiré, entre autres, sur le député shérif de l'État. Oui, mon Dieu. Donc le motif n'est pas clair en date de l'article. Lorsqu'il a été arrêté, Godbolt a confessé qu'il avait commis le crime et a dit aux Therese Appel du Clarion Ledger que Dieu va éventuellement le pardonner. Donc, 8 personnes sont mortes, mais le suspect, ça le dérange pas trop parce que Dieu va lui pardonner ça. C'est bien normal. Ses intentions étaient que Dieu le tue. Il dit, c'est une citation, « My intentions was to have God kill me. » Donc, c'est un suicide par police, mais à la place d'être un suicide par policier, c'est un suicide par Dieu. C'est ça. « Je ne devrais pas vivre après ce que j'ai fait. » C'est ce qu'il a dit aussi. Et Dieu, vous savez, pardonne tout le monde pour tout. Voilà. Il va aller au paradis pareil après avoir tué 8 personnes. C'est complètement raisonnable. Ensuite, un homme du Wisconsin a causé un accident après avoir passé sur une lumière rouge. Vous allez remarquer une thématique ici parce que Dieu lui a dit de le faire. Je les ai mis ensemble parce que ça fitait ensemble. Hein. Bon, tout le monde prend, fait des blagues des fois sur Dieu qui prend le volant, mais un idiot dans le Wisconsin, ici selon le blog Friendly Atheist, dit donc que l'accident était causé parce qu'il est passé sur une lumière rouge parce que Dieu lui avait dit de le faire. C'est un gars de 27 ans, donc il conduisait évidemment un véhicule utilitaire sport. Il a frappé un couple de personnes âgées, les deux avaient 70 ans. Les deux suivaient bien sûr les règles de la route. Tout le monde va bien, personne n'est mort. Leurs voitures évidemment sont en moins bon état quand même que les personnes. Hein. Pour le jeune homme, il n'a pas été blessé, mais il a été amené bien sûr à un hôpital pour ses capacités mentales, pour qu'on examine ses aptitudes. Ensuite, celui qu'on appelle le Low Sodium Killer a été trouvé coupable. Il a laissé 4 personnes mortes, dont et plusieurs jeunes enfants blessés, oui. Donc, pourquoi le Low Sodium Killer? Un jury de Dallas a trouvé coupable un homme récemment en connexion avec un événement qui a eu lieu en 2013, oui, où 4 personnes sont mortes. C'est le Dallas News qui nous dit que Herbie Lee Bowser avait comme défense, via ses avocats, qu'étant donné qu'il avait un faible niveau de sodium dans son système, ainsi que des blessures à la tête et un syndrome post-traumatisme, qu'il était légalement fou pendant qu'il a commis ses meurtres, le jury ne l'a pas cru. Après presque 5 heures de délibération, ils ont donné un verdict de culpabilité. Et maintenant, ils doivent décider si l'ancien joueur de football, les vétérans, devraient aller en prison ou passer la vie derrière les barreaux. Si vous voulez en savoir plus sur les victimes et sur le déroulement du cas et de la défense, allez voir l'article sur assemblagerequis.com. Mais donc, sur sa défense, c'était qu'il avait un faible niveau de sodium. Il aurait dû prendre du coup du... Oui, c'est ça, exactement. Ensuite, un vendeur de lunettes en ligne qui a menacé des clients a été arrêté pour avoir géré un autre magasin complètement ridicule. Donc, c'est l'aventure de Vitaly Borker, un homme qui a passé 3 ans en prison pour avoir essayé d'augmenter ses tu sais, quand tu cherches sur Google, ses rankings dans Google, en harcelant les clients en ligne. Donc, la prosecution au niveau fédéral dit qu'il est de retour. Et cette fois-ci, il vend encore une fois... Ben, en fait, c'est toujours le même sujet. Il vend encore des lunettes sur Internet et il harcèle et, intimide les clients qui demandent des remboursements. Donc, quand les gens ne sont pas satisfaits, il va les menacer de plusieurs choses que les personnes ne demandent pas finalement le vrai remboursement. Donc, il peut faire de l'argent sur leur dos en ayant des mauvais produits puis en faisant pas ce qu'il est supposé faire. Selon le département de la justice, Borker avait un site qui s'appelait opticsfast.com où il inventait des choses par rapport à l'authenticité, à la qualité des lunettes qu'il vendait. Le site disait que les lunettes étaient 100% authentiques et complètement neuves, que c'était le plus grand site de la planète pour des lunettes de soleil à rabais de designer et des lunettes de prescription. Les gens recevaient des articles endommagés ou contrefaçonnés. ils se faisaient refuser des remboursements et puis ils se faisaient aussi charger des frais de restockage ou encore ils recevaient même pas les lunettes pour lesquelles ils étaient chargés. Les clients essayaient de... les clients qui se plaignaient, oui, ou qui essayaient de se faire rembourser les lunettes pour renvoyer les lunettes pour avoir un remboursement, ont dit au service postal américain qu'ils étaient harcelés et intimidés par Borker lui-même, qui est accusé d'utiliser des alias et d'envoyer des courriels abusifs ainsi que des messages textes. Il insultait les clients, les traitait de noms et les menaçait de plusieurs choses. Donc, le reste des détails sur assemblagerequis.com, mais c'est Optics Fast. Donc, si vous voyez ce nom-là, évidemment, n'y achetez rien. Voilà. Ensuite, une belle-mère jalouse empoisonne un enfant et puis met quelque chose dans son lait. Franchement. Dans le fond, elle met du remover. Oui. Comment t'appelles ça, du truc pour enlever le vernis sur les ongles? Du remover. Donc, c'est une femme de l'Illinois qui est maintenant derrière les barreaux et qui va aller en procès après avoir essayé d'empoisonner sa belle-fille. C'est la fille de son nouveau copain, c'est ça? Oui. De 17 mois. De nouveaux détails ont sorti dans le palais de justice de DuPage County, selon le Chicago Sun-Times. Donc, le département policier de Carroll Stream a été appelé à la maison sur Earth Lane, oui, en mai 2016. Andrea Vasquez Hernandez, 36 ans, avait appelé le 911 et avait dit que sa belle-fille avait accidentellement consommé du remover pour le vernis. La police a parlé à l'enfant, au père de l'enfant, pardon, qui dit avoir essayé de donner une bouteille de lait à l'enfant, mais aussitôt qu'elle a pris une gorgée, elle a craché le liquide. Les autorités ont amené la jeune fille à l'hôpital, mais les résultats ont indiqué que l'enfant n'avait pas avalé finalement le remover pour le vernis à ongles. Elle a été relâchée et puis retournée à la maison. Les détectives ont commencé leur enquête. Peu de temps après l'incident, ils ont déterminé que c'était Vasquez Hernandez qui avait par exprès mis ça dans la bouteille du jeune enfant. Wow. Wow. On parle de motifs qui auraient été révélés. Ça dit que Vasquez Hernandez et son mari avaient eu un enfant en 2010, s'étaient séparés peu de temps après. Pendant la séparation, le mari avait eu un bébé avec une autre femme. Le bébé, une petite fille, est née en décembre 2014. Vasquez Hernandez et son mari se sont réconciliés plus tard. Ils sont revenus ensemble, mais elle était jalouse de la mère de la petite fille avec qui le mari était toujours en contact. Donc, aïe, aïe. Pour ça, tu vas aller essayer de tuer un enfant. Et voilà. Donc, le montant qu'elle devait payer pour sortir de prison, sa caution était mise à 250 000 $. Elle est restée en prison pendant un petit peu plus d'un an, accusée d'avoir violenté un enfant. Et son procès débute a débuté le 17 mai. On va suivre s'il y a s'il y a quelque chose de nouveau dans le cas. Voilà. Ensuite, on essaie de couvrir un meurtre bizarre chez une députée. Donc, selon le bureau du shérif, ça s'est passé au bureau du shérif de Sarasota County. Les accusations contre Carson Lee Plank. Cette personne de 23 ans a aidé son collègue Frank Baby à couvrir un meurtre, le meurtre d'une personne âgée. Donc, on dit que Plank était responsable d'avoir démarré l'enquête dans ses allégations de meurtre. Plank avait ignoré les rapports de la victime et les preuves physiques pour essayer de couvrir ce crime-là. Wow. On avait trouvé une photo importante dans l'appartement de la victime qui montrait des preuves par rapport au sang et aux cheveux, donc des poils qui avaient été retrouvés sur la scène du crime. Plank ne les a jamais donnés aux enquêteurs. Dans un message texte envoyé à Baby le matin du 12 janvier, Plank a écrit « Frankie, elle dit que tu as essayé de la tuer. » Et 3 minutes plus tard, Plank a rassuré Baby en disant « On a caché, we squashed it », donc on a caché les preuves. Donc, on essaie de couvrir un meurtre. Oh my God! Wow, on dirait une émission de CSI. Absolument. Donc, elle est accusée d'avoir caché des preuves physiques. Elle est sortie de prison sous caution. Les autorités l'avaient précédemment arrêtée le 9 février dernier. Plank avait été accusé d'avoir fourni de fausses informations à la police pendant une enquête, mais elle a toujours un poste au SCSO, le Sheriff's Office. Ah ouais? Oui, et ils l'ont placé en administrative leave, là, où tu fais juste de la paperasse à la place de sortir sur le terrain. En attendant qu'elle soit trouvée coupable ou non coupable après l'enquête interne, elle a plaidé non coupable. Ouais, elle a plaidé non coupable au chef d'accusation d'origine, disant qu'il manquait de preuves envers elle. Et le pré-procès, le pre-trial qu'on appelle, commence le 13 juillet prochain. Donc voilà l'histoire de Frankie Baby et de Carson Lee Plank. Carson Lee Plank est le nom de la fille, même si elle s'appelle Carson. C'est un petit peu bizarre comme prénom féminin. Ensuite. Un homme qui a été écrasé par des passagers de taille poursuit American Airlines pour 100 000 $. Un homme australien poursuit American Airlines pour 100 000 $ après que la ligne aérienne ait assis à côté de lui deux passagers en forte situation de poids. Pendant un vol de 14 heures, Michael Anthony Taylor, 67 ans, dit que la ligne aérienne a refusé de lui permettre de changer de siège, ce qui fait qu'il était tout pris avec les genoux en face, etc. pendant son vol entre Sydney et Los Angeles, selon le Sydney Daily Telegraph. Même si Taylor était du côté de la fenêtre, il dit qu'il était quand même pris et que ça a empiré son cas de scoliose et ça a mené à des blessures au dos et au cou. Hein? Il dit qu'il a rien contre les gens qui étaient assis à côté de lui, même si dans le sens qu'il dit qu'ils ont payé pour leur billet, ils ont le droit d'être là. Ceux qui blâment, c'est la ligne aérienne. La ligne aérienne qui a dit au New York Post que les 310 sièges du Boeing 777 étaient occupés lorsque le vol a décollé le 28 décembre 2015. Ils sont présentement en train de faire enquête sur le cas. Il dit que M. Taylor, c'est son avocat en fait, qui dit qu'il espère que ça va pousser les lignes aériennes à rendre leurs sièges en classe économique un petit peu plus confortable pour tout le monde. Et on parle aussi de la Convention de Montréal, un traité en 1999 qui compense les passagers de lignes aériennes pour les accidents. Lorsqu'il y a des accidents, tu vas pouvoir recevoir un montant d'argent. Donc ici, il parle d'accident parce que sa scoliose pour son coup. Mais tu sais, peut-être qu'il était juste mal, puis il dit que c'est un accident pour avoir de l'argent. On ne le sait pas. Ensuite, une femme a été tuée à l'extérieur d'un centre d'achat. Elle a été tirée par son mari, qu'elle essayait de divorcer. Mon Dieu. Ouais, un homme a tiré sa femme à l'extérieur d'un centre d'achat de Fort Worth avant de se tuer lui-même. Et il était dans un processus de divorce. Leslie Bradley, 47 ans, a appelé le 911 pour dire que quelqu'un était en train de la tirer dans le stationnement du Ridgemar Mall. Selon le Dallas Morning News, Le porte-parole de la police, Bradley Perez, a dit que la victime, qui a été trouvée avec plusieurs trous de balles dans le corps, a été transportée à un hôpital local en conditions critiques et plus tard, elle est décédée. La police a identifié le suspect. C'était le mari de Leslie, David Bailey, 45 ans, et on a envoyé une alerte dans l'État au complet, dont une description de sa voiture et son numéro de plaque de voiture. Les autorités ont trouvé David sur l'autoroute 35 dans le centre du Texas plus tard ce soir-là. Il a été ralenti par le trafic à cause de la construction. Donc, l'homme de 45 ans qui était en train d'être rattrapé par la police parce qu'il allait très lentement s'est tiré dans la tête pendant qu'il était dans la voiture, selon le Temple Daily Telegram. Perez a dit plus tôt cette semaine, Perez étant le chef de la police, que c'était un cas de violence domestique. Le couple avait une longue historique de problèmes légaux et domestiques. David avait d'ailleurs été, il avait participé dans un police standoff, là, là où quelqu'un est comme se tient lui-même en otage, ouais, c'est genre, ça. Et qu'il faut le convaincre de ne pas se tuer lui-même. Bref, il aurait menacé de se faire mal lui-même, de se tirer dans sa maison. Selon Infoni.com, il aurait été appréhendé sans incident après 3 heures de stand-off avec la police. Et puis, il a eu une évaluation mentale complète. Voilà. Il était arrêté pour d'autres choses aussi, donc on n'a pas besoin de faire son historique au complet. Ça vient rarement tout seul, hein? Et la plupart du temps, ils ont des petits antécédents. Exactement. Exactement ça. Ensuite, on va rester dans le lugubre. Là. C'est quand même la chronique après le crime. Donc, un père a tiré. Un père de 5 enfants, oui, qui a été tiré à mort, donc qui a été tué, a été abattu. Okay. Après qu'un gang l'ait pris pour un membre d'un autre gang. Mon Dieu. Donc, c'est 4 membres d'un gang en Géorgie qui ont reçu une sentence à vie en prison pour le meurtre d'un père qu'ils ont pris pour un rival. Selon l'Atlanta Journal-Constitution, on dit que le jury a trouvé Durrell Marco Muse, 29 ans, Tequila Denae Forehand, oui, la fille s'appelle Tequila, 31 ans, Darius Harris, 23 ans, et Jujuan Harris, 19 ans, coupable de plusieurs accusations, meurtre, activité de gang, violence, etc. Après la mort de Antonio Clements, 29 ans, le quatuor a tiré 59 fois en tout sur le père de 5 enfants alors qu'il arrivait dans une station-service d'Atlanta. L'AK-47, l'arme qui a tiré Clemens pour qu'il meure dans le coup, finalement, il y a eu 27 rondes qui ont été tirées pendant cette attaque en septembre 2014. La copine de la victime, Kendra Clopton, qui était passagère dans le véhicule, a été touchée par une balle, donc à peine frôlée, si on veut, pendant la mésaventure. Et le véhicule lui-même a été frappé 9 fois. Le meurtre tragique de Clemens est en vedette dans un épisode de The First 48 sur A&E. Si vous voulez aller voir la vidéo sur assemblagerequis.com, c'est un père bien connu dans sa communauté, selon WSB TV. Les caméras de surveillance ont vu le suspect. En plus, oui, exactement. 3 des suspects ont été arrêtés peu de temps après la fusillade et le juge de la Cour supérieure, Jerry Baxter, a donné une sentence à Muse d'une vie complète passée derrière les barreaux sans possibilité de probation, alors que les 3 autres ont seulement des sentences à vie. Donc j'imagine qu'ils ont une possibilité de probation plus tard. Voilà. Il y a une 4e personne aussi qui, lui, va avoir une date plus tard. Il reste en prison de transition, là, prison pendant qu'on attend le verdict. Voilà. Ensuite, une mère de 3 enfants qui est accusée d'avoir embarré ses enfants dans un sous-sol rempli de moisissures, les avoir empêchés de manger et d'avoir rasé leur tête. OK, on va mettre quelque chose au clair. Vas-y fort. Si t'es pas capable d'avoir des enfants et d'en prendre soin, n'aie pas d'enfants. Ce serait sage de penser comme ça. C'est pour ça que tu peux porter des condoms. Et que tu peux prendre la pilule. Il est donne, ça, les gars. Il est donne. Une mère du Wisconsin a été arrêtée pour avoir présumément, selon les allégations, fait l'impensable de dommages psychologiques et physiques sur ses 3 jeunes enfants. C'est Regina Sanchez, 30 ans, de Racine, qui est accusée d'avoir essentiellement torturé ses 3 enfants, âgés de 7 ans, 8 ans et 14 ans. Selon une plainte au criminel obtenue par le Journal Times, un travailleur social de l'école et un enseignant ont donc parlé de la mère en décembre après que les enfants soient arrivés à l'école avec des bleus, manquant de nourriture, donc ça paraissait qu'ils n'avaient pas mangé, et de d'autres nécessités. Certains avaient la tête rasée à cause de poux qu'ils avaient. J'imagine que c'est parce qu'ils étaient dans le sous-sol. Probablement. Donc, un travailleur social, a contacté la mère après que ses enfants ne soient pas venus à l'école. Elle a répondu que ça ne lui dérangeait pas d'aller en prison et qu'elle était tannée que ses enfants soient lavés du cerveau à l'école et qu'elle allait les frapper. Elle dit ça à un travailleur social, c'est tout à fait... Et quelle solution à tes problèmes? C'est raisonnable. Donc, la police est arrivée chez Sanchez plus tard ce matin-là. Ils ont noté la chambre à coucher de l'enfant de 8 ans. Son matelas n'avait pas de couverture, pas de drap contour, pas d'oreiller, rien. Il y avait une coquerelle par terre, une couche pleine qui coulait sur le sol. Oh. Il n'y avait pas de jouets, il n'y avait pas d'article personnel dans la chambre. Bref, plein de détails comme ça. On dit que... Là, je saute des détails. Là, je sais que tu vas peut-être en croiser quelques-uns que je vais avoir sauté qui est intéressant. Ça dit qu'il n'y avait pas de bas, de manteau, de sous-vêtements l'hiver. On a puni l'enfant de 8 ans en la faisant rester dans le sous-sol avec les lumières éteintes et la porte barrée. Ça ressemble à un coup qu'on avait fait il y a 2, 3, 4 semaines. Mm-hmm. Et puis elle avait dit à l'enfant que quelqu'un était déjà mort dans son sous-sol, donc ça fait encore plus peur à un enfant, bien sûr. Elle se faisait frapper par une ceinture. Là, vraiment, je peux sauter plein de détails, c'est un peu dégueulasse. La mère de trois enfants devait apparaître, oui, le 10 mai dernier. Évidemment, s'il y a un suivi là-dessus, on va le faire en temps et lieu. Ensuite, on parle toujours de parents bizarres. Adrian Jones, qui a été encore une fois pas nourri, abusé et torturé pendant plusieurs mois avant d'être lui-même donné au cochon. Okay. Dans une maison où la DPJ, l'équivalent de la DPJ aux États-Unis, était allée, le Kansas Department for Children and Families, c'est par État que ça se passe, la DPJ là-bas. Donc, plusieurs détails sur l'abus et le cas de meurtre à Kansas City, qui s'est terminé avec la découverte de l'enfant dans un. Comment ça s'appelle ça? Une soue à cochon. Ouais, c'est ça qu'on appelle. J'imagine. Je pense que c'est ça. Bref, le DCF. Un enclos à cochon. Le Department for Children and Services and Families, pardon. Donc, dit que Edwin Jones avait été gardé captif en 10 ans. En fait, les parents disaient qu'il était éduqué à l'école, homeschool. On comprend, mm-hmm. C'était la raison qu'il avait réussi à ne pas attirer les regards des autres parce que l'enfant n'était pas à l'école, mais il était homeschool. Donc, en 2012, selon 41 Action News, le DCF a retiré Adrian Jones et ses 6 sœurs de la maison de la mère. Ils ont été placés avec leur père biologique Michael Jones et sa copine, sa femme Heather Jones. La grand-mère maternelle avait demandé d'avoir les enfants avec elle, mais ça avait été refusé, ça avait été donné au père en premier. 3 ans plus tard, les autorités ont trouvé le corps du jeune garçon décomposé dans la soue à cochon, l'enclos à cochon près de la maison, après que Adrian, 7 ans, n'ait pas été nourri. Il était tout le temps dans une douche, c'est là qu'il était, qu'il restait finalement pendant 2 semaines. Finalement, c'est ça, on l'a retrouvé avec les cochons. Hein? La mère et le père, Michael et Heather Jones, ont les deux plaidé coupables pour le meurtre. J'espère. Ouais. Des questions restent bien sûr là-dessus. On se demande pourquoi il a pu souffrir aussi longtemps et être puni pendant aussi longtemps que personne s'en rende compte. Mais c'est ça l'affaire, c'est que s'il y a une excuse, comme l'enfant est éduqué à la maison, mais ça peut prendre plus de temps avant de s'en rendre compte, j'imagine, parce que probablement, le signal de l'enfant qui va pas à l'école, qui aurait été n'est pas là. Voilà. Bref, beaucoup d'autres détails sur cette nouvelle. Allez voir sur assemblagerequis.com. Il y a des photos et des vidéos aussi. C'est plutôt dérangeant. L'article est vraiment très très long et rempli de détails assez épeurants. Donc allez voir ça si ça vous intéresse. Ensuite, l'autre, c'est un peu le même cas. Des parents qui ont été accusés d'avoir empêché leur enfant de manger et d'avoir battu leur fille de 7 semaines à mort. 7 semaines. Donc, c'est un couple de Washington, D.C. qui a été arrêté après que les autorités aient déterminé que leur fille de 7 semaines est morte à Noël dernier. Elle avait les côtes brisées et une malnutrition extrême. Trishelle Jabori, 26 ans, et Jay Crowder, 33 ans, sont accusés de meurtre au premier degré pour la mort de Trinity Jabori. Selon un rapport de la police obtenu par WTOP, la part a appelé le 911 le matin de Noël pour dire que leur enfant avait des problèmes médicaux. L'enfant de 7 semaines, qui ne répondait pas lorsque les paramédicaux sont arrivés, a été transporté à l'hôpital où les gens ont été incapables de la ramener à la vie, selon le Washington DC Patch. L'examinateur médical a conclu en avril que Trinity était non seulement morte de faible niveau de sodium, donc mm-hmm. elle aurait pu tuer quelqu'un avec un faible niveau de sodium. C'est vrai. Si on se rappelle de la première nouvelle de tout à l'heure. T'as bien raison. Et de malnutrition aussi, les enquêteurs ont révélé qu'elle avait été frappée dans l'abdomen. C'était la deuxième cause de la mort. Donc c'est selon le Washington Post, Trinity vivait dans un appartement du sud-ouest de DC avec ses 3 frères et sœurs âgés de 15 mois, 5 ans et 8 ans. La résidence était remplie de vaisselle sale, de cigarettes éparpillées partout, de déchets et d'utilisation de drogue. Donc il y avait de la paraphernalia de drogue. Et on dit aussi que la fille, wow, the girl, la fille en tant que telle, la fille de cette semaine, son test a été positif et elle avait de la marijuana dans le corps, si je comprends bien. Non. The affidavit also alleged that the girl tested positive. Mm-hmm. Oui, girl, c'est bien ça. Trinity est née le 6 novembre. Elle pesait 4 livres et 11 onces lorsqu'elle a quitté l'hôpital. Le bébé pesait 4 livres, 4 onces au moment de sa mort. God. Wow! L'hôpital a essayé de la nourrir avec de la formule pour enfants. Et puis, finalement, ben, c'est ça, la fille est morte. On dit que c'est chose, des que... parents, là. Ouais. Non, ce ne sont pas des parents. Ce sont des monstres. Il y a plein d'autres détails, encore une fois, dans l'article sur assemblagerequis.com. Ensuite, quelqu'un qui essayait de voler dans un magasin, un petit bum, comme on va dire, qui a lancé une bouteille d'urine dans le magasin et qui s'appelait El Chapo, un peu comme le grand criminel, c'est pas mexicain, je crois. Donc, les policiers de Akron, en Ohio, cherchent deux femmes qui auraient lancé des bouteilles d'urine à un employé du magasin. Il y a une vidéo sur Internet. La police dit que le suspect est entré dans le Odd Corner Smoke Shop, donc c'est une boutique de cigarettes, le 11 avril dernier. La vidéo de surveillance montre le duo en vêtements noirs avec des beanies, des tuques, entrant dans la boutique et ensuite partant en courant après avoir dompé de l'urine sur la victime, l'employé du magasin. Les deux suspects sont décrits comme des femmes noires entre 20 et 25 ans. La victime a parlé à WEWS-TV à la condition de ne pas montrer son visage et son nom. Elle dit qu'elle a attrapé une des femmes en train de voler une pipe dans le magasin et l'a jetée dehors. Donc la femme est revenue plus tard avec sa complice et c'est là que l'urine s'est passée. Ben voyons donc! C'est ça. Faut vraiment que t'aies rien à faire de ta journée. Hein? Tellement. Ensuite, une victime handicapée mentalement a été gardée embarrée dans sa chambre dans un centre de traitement de la Scientologie au Tennessee, selon la police. Donc, un homme qui s'occupe d'un centre de traitement de la Scientologie dans le Tennessee et deux de ses employés sont poursuivis après que la police ait découvert que deux personnes étaient retenues contre leur gré dans un de leurs établissements, si on veut. Donc, les établissements de Cannon County ont été fermés et trois hommes ont été arrêtés en connexion avec le kidnapping. Selon WZTV, les députés ont répondu à un appel au 911 du Sunshine Lane Facility. Donc, ça, c'est l'établissement de Sunshine Lane. Mm-hmm. Au début du mois de février, ils ont découvert un homme dans une cabine sans nourriture et sans eau courante. L'homme disait que la personne qui prenait soin de lui l'empêchait de quitter et qu'il y avait eu de la violence aussi. Donc, la personne qui prend soin de lui, on s'entend que ça décrit pas vraiment une personne qui te ferait ça. Les autorités disent aussi qu'une femme handicapée mentalement devait rester dans une chambre embarrée pendant 14 heures par jour. Selon le Cannon Courier, on a donné quelques détails sur les conditions de vie des victimes. Les officiers ont décrit que la cabine, l'endroit tout petit où l'homme vivait n'avait aucune chose qu'on aurait dans la vie de tous les jours. On avait seulement une pile de couverture dans un coin de la pièce. Puis on dit qu'il a été là pendant 9 mois et qu'on lui a donné des médicaments inconnus. On ne sait pas ce que c'est pendant cette durée de temps-là. Le juge a dit que tous les établissements oui, de Cannon County sont fermés et n'opéreront pas dans le futur rapproché. Donc on va voir ce qui va se passer avec ça, mais quand même, c'est assez épeurant. Le Cannon County Clerk's Office a dit à WZTV que les trois hommes ont reçu une... que les personnes qui s'occupaient de ce service-là ont reçu une sentence de probation sans supervision pendant 11 mois et 29 jours. Donc ça, c'est pour l'instant. Et puis, ça dit aussi que la cour a demandé à ce que Valière, qui est une des personnes, ne puisse pas opérer un de ces établissements dans leur comté. Voilà. Le Life Center dit ne pas avoir d'affiliation avec une église officielle, même si c'est un centre de traitement qui est souvent affilié avec une église, dans ce cas-ci, la Scientologie. Voilà. Ensuite... Un professeur, un enseignant de la Géorgie qui est poursuivi pour 25 millions après avoir frappé un garçon qui a essayé d'appeler sa mère. C'est un étudiant de 13 ans qui s'est fait amputer la jambe après que le professeur l'ait frappé plusieurs fois. Ben voyons donc. Donc c'est un garçon de 13 ans qui s'est fait enlever la jambe en dessous du genou après qu'un spécialiste du comportement ait répétitivement donc body slammé. Le jeune garçon a un move de lutte, là, je pense qu'on appelle body slam, selon une poursuite à 25 millions de dollars que la mère du garçon a entrepris contre Muskogee County School District. Ça, c'est la commission scolaire de Muskogee County. Donc, Lawanda Thomas dit que son fils Montravius, c'est le nom de son fils, Montravius, a été frappé plusieurs fois par Bryant Alexander Mosley au centre Edgewood Student Services Center, une école alternative où les étudiants se font envoyer lorsqu'ils enfreignent certaines règles dans le district. Donc, un autobus qui venait chercher ce jeune enfant de la 7e année chez lui à 11h30 du matin l'a amené au centre. Montravius était le seul étudiant en classe. Selon la poursuite, qui a été donnée au Columbus Ledger Inquirer. L'adolescent a demandé d'aller voir le directeur pour appeler sa mère à 1h30. Ensuite, on dit que Mosley a été bloqué physiquement de la porte, il ne pouvait pas sortir. Et puis, on lui a fait des body slams comme à la lutte pour l'empêcher de quitter la pièce. Il y a une vidéo qui a capturé Mosley, il y a toujours une vidéo. Hein, mais oui, tout le temps, c'est tout le temps comme ça. Ouais, qui pesait seulement 100 livres de plus que Montravius. Qui pesait 100 livres, il n'y a pas de seulement, de plus que Montravius. Il est accusé d'avoir body slamé le garçon de 13 ans au moins 5 fois. Puis on dit que personne n'a intervenu lors de cet incident. Plein d'autres détails encore une fois dans l'article. Ils font de très longs articles sur ce site-là. Oui. Ensuite, le directeur athlétique de l'athlétisme donc, a été arrêté pour avoir espionné des filles mineures avec des caméras cachées. Oh, Bill mon Weed, Dieu. Oui, directeur de l'athlétisme au Palm Beach Gardens High School, une école secondaire, a été arrêté pour avoir utilisé des caméras cachées pour espionner des jeunes mineurs, comme on l'a dit. Donc, il est accusé de voyeurisme par vidéo et de mauvaise utilisation d'un système de communication à double sens, double direction, selon WPEC, le Sun Sentinel. La police dit qu'à la mi-avril, ils enquêtaient sur ce crime-là et on a cherché sa maison en février. On a pu confisquer plus de 40 articles qui avaient rapport avec son crime, dont des ordinateurs, des tablettes, des téléphones cellulaires et des caméras numériques. Son patron, M. Weed, a dit le mois dernier que c'était dû à un incident hors campus. On ne sait pas ce que ça veut dire, mais c'est la raison pour laquelle il avait ces équipements-là. Est-ce que ça veut dire que le patron de Weed était au courant? Je ne sais pas. Hein? Je ne sais pas, c'est un peu louche. On dit que ici, c'est le directeur de Palm Beach Gardens, Larry Clausen, qui dit « Je veux vous rassurer que cette personne-là ne travaille plus sur notre campus ou n'importe quel autre campus à ce moment-ci. » Une chance. Oui. Pendant ce temps, le Palm Beach County School District, la commission scolaire, a dit que Weed allait être réassigné à une position à l'extérieur de l'école, un petit peu comme le administrative leave dont on parlait tantôt. On a demandé les commentaires à Weed, mais on n'a pas eu de réponse sur le site lawnews.com. En plus d'avoir été directeur de l'athlétisme depuis 2006, il était aussi coach de l'équipe de cross de la crosse depuis 2014 chez les filles, donc il avait accès à des mineurs pas mal souvent. Ensuite, on entend des fois parler d'universités ou d'écoles qui sont mises en lockdown, donc on les barre, on empêche tout le monde d'entrer et de sortir de l'école pendant quelques heures quand il y a un tireur sur le campus, une situation active. Il y a une université qui a été mise en lockdown pendant 4 heures à cause d'un fusil à colle. C'est l'école Colgate University qui a eu un moment gênant récemment. Un étudiant avec une arme qui a fait donc que le campus est allé en lockdown pendant 4 heures. Et c'était seulement un fusil à colle, donc selon le doyen par intérim du collège Mark Thompson, des témoins ont vu un étudiant entrer sur le campus O'Connor Campus Center avec un instrument, comme on a dit, de bricolage. Et on a appelé les officiers du campus vers les 20h. L'école a sorti une alerte sur les médias sociaux disant qu'il y avait une personne armée sur le campus, c'est leur procédure qu'ils font habituellement, que les gens devraient rester à l'intérieur et que ceux qui n'étaient pas sur le campus devraient rester loin du campus. Thompson dit qu'une recherche sur le campus a commencé ensuite et la police, les officiers ont réalisé que la situation d'urgence finalement juste un projet artistique, un étudiant qui travaillait sur un projet artistique avec son fusil à colle sur lui. Évidemment, peut-être que tu aurais pu le mettre dans ton sac à dos. Aussi, hein? Ou n'importe où. Mais bon. Franchement. Voilà, ça a dérangé bien des gens, mais la situation est bien sûr terminée assez rapidement. Ensuite, un policier qui a été retrouvé après avoir fait semblant d'être mort et d'avoir quitté pour le Mexique. Mais voyons donc. Un officier de police du Texas qui est disparu le 25 avril après avoir texté une image d'une note de suicide à sa femme a été retrouvé selon la police de Austin. Coleman Miller Martin a dit à sa femme ce jour-là qu'il la laissait pour se vider la tête. Et ce soir-là, il lui a envoyé une image, une note de suicide. Il prévoyait, en fait, selon la note, se suicider en se noyant lui-même près de la frontière entre les États-Unis et le Mexique. Maintenant, il est en prison, en prison de transition, là, en attendant son verdict, pour avoir évidemment fait semblant d'être mort. La femme de Martin avait appelé le 911 ce jour-là, ce soir-là. Les enquêteurs ont dit que Martin avait été arrêté par un officier, a donné l'histoire qu'il s'en allait en vacances au Mexique. L'officier a dit avoir vu des sacs dans sa voiture et que Martin n'avait pas l'air troublé. Le lendemain, on a entendu que la voiture de Martin avait été trouvée près d'un lac avec une note de suicide sur le siège avant. Un raft a été trouvé près de l'eau aussi. Écrit dessus étaient les initiales de Martin et de sa femme. Sa date de naissance à Martin et la date de sa mort, donc le 25 avril 2017. Selon l'affidavit de la police, une croix a été dessinée dans la boîte à côté. Tout le lendemain matin, un courriel a été envoyé du compte de Martin à partir d'une adresse IP qui a été retracée au Mexique et on montre que le jour de la disparition de Martin, il avait acheté une tablette avec capacité de Wi-Fi. Il s'est mal caché en utilisant une carte de crédit. C'est ça, là, pas fort. C'est pas ton meilleur move. As-tu déjà regardé la TV, les émissions de crime? Tu vas le savoir. Clairement, il l'a pas fait. Bref, l'affidavit dit que la femme avait une relation très proche avec Martin. Elle a dit aux autorités que l'événement complet était pour organiser ou faire semblant qu'il était mort. Elle dit qu'après la disparition de Martin, elle a reçu un courriel de sa part disant que le plan avait fonctionné. Le courriel dit qu'il avait organisé la scène avec le raft, qu'il était parti en vélo vers un dépanneur où il avait pris un taxi pour aller jusqu'à la frontière. Et après ça, il avait jeté le vélo dans un container à poubelle. Les enquêteurs ont réussi à le retrouver finalement, mais on ne sait pas exactement où. Et il est présentement dans Dallas County. KEYE, une station de télé, dit que Martin allait être accusé pour fausse alarme, dans le fond, pour avoir fait semblant d'être décédé. On va en faire une dernière avec un hôte de l'air qui a fait semblant qu'il y avait une bombe dans l'avion pour être un héros et qui a évité d'aller en prison. Son avocat a dit que son historique de santé mentale n'excuse pas ce qu'il a fait, mais aide à l'expliquer. Donc, c'est un hôte de l'air sur SkyWest Airlines qui a concocté une petite histoire de peur par rapport à une bombe. Il a plaidé coupable dans une cour fédérale du Dakota du Nord. Justin Cox Seaver, 23 ans, dit que c'était une ruse pour pouvoir venir à la rescousse des gens à bord du vol et être reconnu comme un héros. Selon KVRR Local News, il va passer jusqu'à 5 mois dans une prison de transition, 5 mois à la maison sous probation et 3 ans encore une fois supervisé. Il va pouvoir sortir de chez lui, mais il va éviter d'aller en prison. Tant mieux pour lui, mais en même temps, pas assez proche quand même. Des incidents qui ont eu lieu en 2015 dans un vol entre Charlottesville en Virginie jusqu'à Chicago, qui a dû être viré de bord après que Cox Seaver ait dit que quelqu'un avait écrit une menace à la bombe sur le mur dans la salle de bain de l'avion. Et puis ensuite, en septembre, il avait mis un sac rempli de serviettes dans un vol entre Minneapolis et Dickinson, North Dakota, dans le Dakota du Nord. Il disait que le sac faisait des bruits, ce qui a mené... bien sûr, à ce qu'on ferme complètement l'aéroport de Dickinson. Son avocate Michelle Montero dit que son client a un historique de désordre bipolaire, un désordre du spectre de l'autisme et une blessure au cerveau, selon le Associated Press. Son avocate dit que ça n'excuse pas ses actions, mais que ça les explique. Au moins, voilà. Il avait déjà vu d'autres hôtes de l'air recevoir des accolades après avoir réussi à sauver les gens, donc c'est pour ça qu'il voulait voulait recevoir de la reconnaissance. Voilà, c'est tout pour après le crime. Les liens sont sur assemblagerequis.com dans les notes de l'émission numéro 11-10. On écoute, tiens, tant qu'à parler de crime, voici High Ticket Attractions de New Pornographers. Assemblage requis pour encore 1h20. We'll be right back. calling. They had the calling. You know the song. This thing could go two ways. New Pornographers et High Ticket Attractions. Ah, sans la jouer, on prend une pause et au retour, une autre chronique de Tania. Une deuxième. Uh-huh. Oh oui, après ça, Marilyn Doyon va être avec nous et on a une grosse pointe à l'adresse d'ici la fin. Une grosse fin d'émission, restez là. Vous êtes assez fou pour l'écouter. Pour l'écouter. 89. Vous êtes à Assemblage Hockey pour la semaine du 19 juin 2017. Elle est Tania Baudin. Et Mathieu Blonde. Mm-hmm. Alors, on a du fun aujourd'hui. Une grosse émission, comme toujours, avec plein de surprises. Oui! Tantôt, on va voir Marilyn Doyon. Je le dis, mais c'est pas une surprise. Mais la surprise est peut-être après. Oh, peut-être. On verra. Qui sait? Avant ça, par contre, on a la chance d'avoir une deuxième chronique de Tania. Et la malchance de m'entendre chanter l'intro une deuxième fois. C'est triste, hein? Voici Tania is gonna entertain you. C'était une petite Tania qui voulait être pro des médias. Fait qu'elle est allée à l'école et puis maintenant à l'école c'est Tania. And she's gonna entertain ya. Tania, aujourd'hui, pour la deuxième chronique, on parle, j'ai entendu dire, de dents. Oui. De sourire. Oui, exactement, parce que j'ai écrit un petit peu partout sur les réseaux sociaux que je vous parlais de vos dents. Mais en fait, on va parler de sourire aujourd'hui. Parce que, je sais pas si t'es au courant, mais on confond quand même assez souvent le sourire au rire. Oui, ben oui. Mais c'est deux choses bien distinctes. Les deux peuvent être faux. Les deux peuvent être faire faux. Faire semblant de sourire et semblant de... En effet. Ça paraît ça. Mais c'est deux choses très différentes. Oui. Et je vais vous parler justement peut-être de ces différences-là, mais aussi je vais vous parler des choses étonnantes que le sourire peut vous amener dans votre vie. Ah. En premier lieu, je veux parler un petit peu avec vous d'où ça vient le fameux mot sourire. Bien, sachez à la base que ça vient de trois langues différentes. Donc, on parle de l'ancien français qui s'appelle surire. Donc, c'était ça au début, l'ancien français. Par la suite, on a eu le latin subridere, composé de ridere. Et oui. Et ça, c'est devenu par la suite un petit mot qu'on a coupé qui est devenu rire. Ah oui, et t'as Suri qui est la fille de Tom Cruise aussi. C'est ça, exactement. C'est pareil. Oui. Écoute, c'est sûr, ça vient de là. Et le verbe sourire, vous le savez, ça définit lorsque quelqu'un, un être humain, va tout simplement faire un mouvement dans le visage qui va faire en sorte que les lèvres vont bouger. LOL MDR. C'est ça. Et parfois, on peut se rendre jusqu'à voir les dents de la personne. Parce qu'il existe plusieurs sortes de sourires. Tu l'as dit tantôt, Mathieu, on peut fausser un sourire. On peut pas vraiment nécessairement poser la question combien de fois on sourit par jour. Non, hein? On peut pas savoir. Ça dépend de la journée, ça dépend des gens. Exactement. C'est impossible à dire. Ça dépend des personnalités, ça dépend des instants choisis aussi où on va sourire. On s'entend que si vous travaillez tout seul dans un cubicule de 2x2, ça me surprendrait que vous souriez une couple de fois par jour. À moins que ça sur YouTube souvent. C'est ça, sur exactement. La pièce du boss. mais non, je dirais que Le sourire, il y en a qui sont pince sans rire, donc même quand tu fais une blague drôle, ça peut... Oui. Moi, je suis pas capable de faire pince sans rire parce que je ris de mes propres blagues. T'sais. Ouais, c'est ça l'affaire. Mais il y en a qui font ça. Mais est-ce qu'on sourit toujours pour exprimer quelque chose qui est le fun, pour toujours exprimer le plaisir? Automatiquement, la réponse, elle est non. Ah, non. Le sourire, en fait, ça provient d'une vibration qu'on associe à la joie, mais qu'on peut aussi associer à la terreur, selon le cerveau. Et je vais vous parler de ça parce que c'est un petit peu complexe. Ça relève de ce qu'on est. Donc, le sourire, c'est un petit peu comme le rire. De ce côté-là, c'est sensiblement pareil. Ça peut dire plusieurs choses. Mais est-ce qu'on sourit vraiment dès notre plus jeune âge? Ah. Tu sais, le premier sourire, ça remonte à quand? Mm-hmm. Quand on est? Eh bien, non. La réponse, c'est lorsqu'on est, on ne sait pas sourire. Ah, pour vrai? Ça arrive aux alentours, en fait, du 30e au 45e jour wow. de l'enfant. Et au plus tard, ça peut aller jusqu'à 3 mois chez l'enfant. Donc, Tu te demandes si ton enfant est correct. Là, ben exactement, parce que t'es habitué, toi, de voir des gens qui sourient. T'es habitué de sourire toi-même puis en tant bébé, que mère ou en tant que père. Si tu connais le rire d'un bébé, et tout le monde connaît ça. Si ça fait 3 mois puis qu'il n'a pas encore ri ou souri... C'est quelque chose qui peut être inquiétant. Oui. Mais c'est surtout pour exprimer, par exemple, un contentement à la vue d'une personne qui va être familière chez l'enfant. Donc, par exemple, un parent, un frère ou une sœur. On va aussi parler à l'écoute d'un son qui va être mélodieux chez l'enfant. On va sourire ou après un repas. Mais l'apprentissage vient surtout de l'imitation chez les gens qui sont autour de nous lorsqu'on est enfant. Sourire. Exactement. Oui. On voit un sourire, on va sourire. C'est ce qui se passe chez l'enfant. Sourire, d'abord, c'est un mécanisme qui se fait au cerveau. Ouais. C'est cérébral. Selon les scientifiques, en fait, ça commence par une excitation de la partie antérieure de notre hypothalamus, qui est une glande qui est située à la base du cerveau. Et ça fonctionne un petit peu comme une onde. Donc, on va transmettre un influx nerveux au système limbique, qui est en fait le siège des émotions. Et par la suite, le tonus musculaire va se relâcher. On va avoir des réactions faciales. Et de ce côté-là, on va avoir un contentement sur le visage qui va apparaître. On va avoir une espèce d'excitation de la partie postérieure de l'hypothalamus qui, justement, va entraîner des réactions de mécontentement. S'il y a 15 muscles qui sont nécessaires pour le rire, est-ce qu'il en faut autant pour le sourire? Mm-hmm. Bien, c'est assez difficile à dire parce que le sourire, on peut avoir, par exemple... tout simplement une ligne au niveau des lèvres. Ça peut être un sourire d'approbation. Ça peut être un sourire qui va être différent du rire. Automatiquement, si on rit, il y a beaucoup de muscles dans le visage qui vont bouger. C'est sensiblement la même chose du côté du sourire, sachez-le, mais ça peut différer des muscles au visage parce que c'est pas nécessairement la même chose. Donc, le sourire, c'est un autre langage que le rire et c'est ça qu'il faut être capable de différencier un petit peu chez certaines personnes. Quand t'as mal aux joues, c'est plus parce que t'as souri que t'as ri, non? Ça dépend. Ça dépend. Ça dépend parce que si tu souris à pleine bouche, tu souris, tu ris pas. Lorsque tu ris, il y a un son. Oui. Donc, automatiquement, il y a un autre muscle qui vient rentrer en ligne de compte lorsqu'on rit. Et lorsqu'on sourit, bien, en temps normal, il n'y a pas de son. Mm-hmm. Si, automatiquement, il y a un son lorsque tu vas sourire, ça devient un rire. Ben oui, c'est ça. Donc, c'est la grosse différence. Et là, ça nous fait poser la question, si quelqu'un est muet... Souris muet ou un des deux, est-ce que tu ris de la même façon? Oh, je sais pas, hein? Mais il y a plusieurs sourires. Il y a le sourire de politesse, comme on parlait tout à l'heure, qui est simplement un plissement des lèvres. On met aussi en jeu la contraction du grand zygomatique lorsque le sourire est de joie. Donc, quand tantôt je parlais de sourire à pleine bouche, bien, c'est justement un des muscles qui va se mettre en action, qui en temps normal, si on fait juste un petit sourire de politesse là, où on va plisser les lèvres, ça ne rentre pas en ligne de compte. Donc, le nombre de muscles qui est sensiblement visé vers le sourire et le rire sont différents. Tania, oui. Est-ce que tu veux entendre une jeune fille sourde rire? Ça te ferait-tu plaisir, ça, d'entendre ça? Oui, vas-y. Oui, hein. Allez, j'ai bien trouvé. Est-ce que tu veux entendre deux hommes? Peut-être que c'est différent chez les peut-être. Hommes. Peut-être. Yip, boy! Frappe pas sur la table de même, tabarnouche. Ouais, maudit fou. T'as un peu, là? Ça sent bien. Là, ils font des signes. Ah! Ça, c'est pas le même son. Non, non, en effet, hein. C'est plus timide. Voilà, l'interruption est terminée. Désolé. Ça m'intriguait trop, je vais le savoir là, là. C'est correct. Il existe plusieurs sortes de sourires. Il faut savoir, au tout, en fait, il y a un psychologue qui est Patrick Drevet qui a réussi à différencier 37 sortes de sourires. Mais on connaît les plus gros, dont le sourire de bienvenue, tu sais, celui quand on accueille quelqu'un qui est un petit plissement de lèvres. Par la suite, on a le sourire complice. Ça, c'est celui qui va nous rassembler. Oui. Ça exprime, en fait, l'appartenance à une même histoire. Donc, tu vas avoir un sourire qui va être un petit peu plus enjoué que le sourire qui accueille d'autres personnes, mais ça relève quand même d'une entente qui va être étroite. Ça veut dire que tu le fais pas nécessairement avec tout le monde. Tu vas pouvoir le mélanger avec un autre, comme mettons, sûrement que le sourire mesquin s'en vient, comme s'il y a quelqu'un autour de toi qui fait quelque chose. Là, tu fais un petit sourire complice à l'autre, comme dans « Tu sais que je ris de la personne, mais sans rire ». C'est sûr. Il y a aussi le sourire séducteur. Ouh, celui-là, c'est clair que tout le monde le sait. Il est vraiment différent. En fait, il y a un éthologue allemand qui a montré que le sourire s'est partagé dans la plupart des rites de séduction à travers le monde. Ah. Peu importe où tu te trouves, le moment où il va toujours y avoir un sourire, c'est au moment où tu décides de séduire quelqu'un. Ouais. Ça prend absolument un sourire. Si tu souris pas, ça séduit pas. Ça fonctionne comme ça. Par la suite, on parlait tout à l'heure qu'il y a plusieurs sortes de sourires. Il y a plusieurs sortes de rires. Le rire jaune, tout ça. Il y a le sourire défensif. Il y a celui qui nous préserve. Certaines personnes se sentent peut-être un petit peu mal à l'aise lorsqu'ils sont tout seuls dans une pièce entourée de gens qu'ils connaissent pas. Ouais. Et à ce moment-là, le sourire qu'ils vont avoir va devenir un sourire défensif. Mm-hmm. Ça va devenir une espèce de carapace autour d'eux-mêmes pour être peut-être un petit peu plus confiant. Mais ça va pas être le sourire de grande bouche qu'on connaît. Par la suite, il y a le sourire audacieux, celui qui nous donne de l'assurance, celui qu'on veut quand on est entouré de gens qu'on connaît ou qu'on connaît pas du tout, mais qu'on a besoin peut-être de cette poussée-là dans le dos, d'avoir de l'assurance. Donc, s'obliger à sourire, ça nous entraîne à retenir les aspects qui vont être positifs. Si tu souris dans une soirée qui, à la base, tu penses va être plate, tu vas te souvenir des moments où tu as souri. Tu vas te souvenir des moments où ça a été positif. Donc, c'est à mettre en avant nos succès plutôt que nos échecs. Et c'est là que ça va faire en sorte qu'on va avoir une meilleure assurance de soi-même. Et il y a aussi le sourire gêné, celui qui nous excuse. Tu sais, là, tu fais comme... Ouais, quand je fais une mauvaise blague, mettons, un exactement. Petit malaise. Ou tout à l'heure, tu parlais du sourire complice avec quelqu'un qu'on connaît bien sur une autre personne qui peut être autour de nous. Exactement. Ouais. Ça peut être aussi le petit sourire gêné qui va rentrer dans cette catégorie-là. Donc, on est loin de toujours exprimer le plaisir avec le sourire. Et le sourire peut aussi marquer notre volonté, par exemple, de prendre la distance vis-à-vis à quelqu'un. Tu sais, un petit sourire gêné, genre... J'ai plus le temps de te parler, je m'en aille. Va-t'en, s'il te plaît. Tu vas quand même sourire à ce moment-là. Ouais. C'est très rare que les gens vont pas sourire pour se sortir d'une situation ou vont pas sourire pour s'engager dans une situation aussi. Ouais. Donc, il y a quand même certaines choses qui sont étonnamment vraies qui vont arriver lorsqu'on décide de sourire. Et certaines personnes vont se dire, bon, là, je pense qu'il faut que je commence à sourire plus. Et... vous allez voir que c'est vrai si vous faites si vous souriez de plus en plus, vous allez voir que certaines choses dans votre vie vont peut-être changer. Ça amène d'autres choses, oui. Ça amène d'autres choses. Donc, entre autres, vous allez être beaucoup plus séduisant. Tout à l'heure, on parlait du sourire qui est séducteur, mais lorsque vous souriez, vous devenez plus séduisant. Donc, vous allez dire que la beauté, c'est subjectif. Vous avez vraiment raison. Mais ce qui est universel, c'est que lorsque vous souriez, vous allez devenir automatiquement plus attirant pour ceux qui vous entourent. C'est le contraire d'une resting bitch face. Exactement. Oui. Qui trouve une resting bitch face beau? Attirante, peut-être. Ouais, mais à ce moment-là, c'est pas sa face. Ouais. Tu comprends? Ouais, je comprends. Si elle sourit, cette resting bitch face-là... Ouais. C'est automatique, tu vas la trouver souriante, c'est tu ça. Comprends? Donc, vous allez automatiquement être beaucoup plus séduisant lorsque vous allez sourire. Par la suite, vous allez être beaucoup moins stressé du moment que vous allez sourire. Il y a des gens qui ont pris, par exemple, de leur précieux temps pour prouver que oui, sourire, ça réduit le stress. Même pas besoin d'être sincère parce que même si vous le faites de façon forcée, ça va fonctionner. Mmh. Ça va, à un certain moment, engager dans votre cerveau cette réflexion-là. Tantôt, on parlait de l'hypothalamus, de se dire que « Eh oh, attends, je souris, fait qu'automatiquement, je suis plus stressée. » Ouais. Vous comprenez? Par la suite, ça va rendre votre entourage beaucoup plus heureux si vous souriez. Donc, quand vous souriez, ça fait un peu le même effet que quand vous allez bâiller. Vous savez, quand quelqu'un autour de vous bâille pendant c'est une soirée contagieux. Ou... Puis là, je fais juste dire le mot bâiller, j'ai goût bâiller. Ouais. Donc, ça incite en fait les gens qui vous entourent à faire pareil. C'est une espèce de donner au suivant, facile, puis heureux, vous comprenez? C'est comme différent un petit peu. Par la suite, vous allez réussir beaucoup plus facilement dans la vie si vous souriez de plus en plus. Donc, quand vous allez sourire, vous allez être convaincant. Ça va convaincre vous et ça va aussi convaincre votre entourage beaucoup plus facilement. Et ça se comprend, par exemple, envers votre boss. Ça va aussi peut-être vous aider à demander une augmentation de salaire. Donc, quand on se dit « fonce, souris, garde le sourire », c'est vraiment, ça agit sur votre charme, ça agit sur votre facilité à obtenir quelque chose dans la vie et ça agit aussi sur votre bonheur. Vous allez devenir encore plus proche de ceux que vous aimez. C'est stupide, hein? En temps normal, tu te dis « souris », je vois pas comment je vais devenir plus proche de ceux que j'aime en souriant. Mais quand vous allez sourire, par exemple, à votre meilleure amie ou vice-versa, votre meilleure amie va vous sourire, ça met un petit peu la table pour les confidences. Et ça, on s'en rend pas nécessairement compte, mais veux-tu vraiment te confier à quelqu'un qui a un air bête? Non. Tu veux absolument te confier à quelqu'un que tu vas avoir l'impression qu'il va t'écouter. Oui. Et automatiquement, c'est prouvé que les gens qui vont avoir plus tendance à s'ouvrir à vous, c'est si vous leur souriez. Mm-hmm. Donc, si vous voulez que les gens vous parlent, si vous voulez que les gens vous racontent ce qui se passe dans leur vie, souriez. Parce que les gens vont être portés à aller vers les gens qui vont sourire pour se confier. Plus sympathique. Peut-être pour ça que j'aime pas entendre les... Pour ça que t'aimes pas entendre... Toutes les histoires du monde. OK. mais c'est pas vrai. On les sait. Mais c'est logique quand on y pense. Oui. Parce qu'en fait, ça, c'est comme une roue. Le sourire, c'est un... On l'a dit tout à l'heure, c'est différent du rire. Mais ça amène quand même cette portion-là où on va avoir une espèce de roue qui va s'en venir. Puis un engrenage aussi. Parce que si tu souris, l'autre personne devant toi, ça va être assez difficile qu'elle reste bête. Et tu peux... pas écrire sourire sans avoir le mot roux dedans. S-O-U-R-I-R-R-O-U-E. Ouais, ouais. Oui, c'est ça, exactement. Tu vas te sentir aussi beaucoup plus heureux. Donc, ça va de soi, c'est quand même vrai, mais la prochaine fois que vous allez être un petit peu down, tu sais, quand vous vous dites « Ah, oh, je file pas! Mm-hmm. » ou « J'ai coulé mon examen. Oh. » Il y en a plusieurs qui ont fini leur session, là. Mm. Peut-être qu'il y en a qui se disent qu'ils ont coulé leur examen. Souriez, souriez donc. Ouais, tu sais, on dit des fois, t'en riras un jour, là, c'est t'en sourira un jour. Exactement, parce que c'est assez difficile de se regarder dans le miroir, de sourire et de rester malheureux. Ouais. Donc, automatiquement, il y a des bonnes choses qui font en sorte que ça va vous remonter le moral. Et des fois, ça peut être juste une petite niaiserie, là. Je sais pas, tu t'es cogné le gros orteil ou la petite orteil. Souris. Oui. Vous allez voir, automatiquement, vous allez devenir beaucoup plus heureux. Souris, prends un coup, puis un petit peu de kudzu. C'est ça. Ta journée passe. Gorgée de tequila, kudzu, puis un sourire dans la face. Tu peux être en business. En fait, vous allez aussi réussir à rendre des situations qui sont parfois bizarres. Oui. Beaucoup ben oui. moins bizarres. Si tu t'en fâches, si tu te pètes la gueule, peu importe. Si tu te mets à sourire après, les gens vont être contents, puis vont même pouvoir en rire, puis tout le monde va être heureux. Exactement. Ouais. Donc, on est persuadé que c'est tous déjà arrivé à quelqu'un de se retrouver dans une situation où t'es comme « Ah! » Malaise, c'est weird en ce moment, c'est vraiment bizarre. Sans être une formule magique pour sortir en fait d'une situation, on vous garantit que s'il y a un moment où c'est malaisant et bizarre, si vous sortez votre plus beau sourire, ça risque de détendre l'atmosphère, un petit peu comme dans une vidéo où la personne va sourire ou ouais. peu importe, ça va faire exactement la même chose. Vous allez vous sentir mieux et les gens autour de vous vont se sentir beaucoup moins malaisés aussi. À ce moment-là. Tout à fait. On parlait d'effet de roue tout à l'heure, c'est exactement la même chose, surtout dans une situation malaisante comme ça. Un malaise va être un malaise seulement si tu le laisses être un malaise. C'est ça, t'as bien raison. On parlait des muscles qui sont utilisés pour rire, on parlait des muscles qui sont utilisés pour sourire. Vous allez avoir le visage pas mal plus musclé. C'est vous des avez perdu blagues, le poids de la face. Mais c'est pas des blagues. Parce que honnêtement, lorsque vous souriez, vous allez faire travailler plein de muscles dans votre visage. Donc, automatiquement, plus besoin de juste travailler votre chest, plus besoin de juste travailler vos bras. Vous pouvez aussi travailler la face. J'aimerais ça être comme Ace Ventura puis rire de mes fesses. Ça serait pas pire, il fait, ça. Il faisait parler ses films. C'est vrai, ouais, je me souviens. Ouais. C'est vieux, ce film-là. Hein? C'est... Tu ne rajeunis pas. Hein? Donc, vous allez automatiquement voir les choses de façon beaucoup plus positive lorsque vous allez sourire. Comme tout le monde, vous avez des moments pas mal moins le fun. On pourrait dire aussi que le monde va vous tomber sur la tête ou vous avez le monde, le poids du monde sur les épaules. Mais dans ces situations-là, sourire peut aider à rester optimiste. Donc, c'est un genre de signal qui va être envoyé à votre cerveau qui n'a pas de problème. Et c'est une façon de déjouer aussi votre propre pensée positive. Donc, si vous dites « Ah non, c'est ça, je l'ai échoué, c'est ça, je l'ai échoué » ou « Je sais pas, moi, je fais vraiment pas, je fais vraiment pas », puis vous souriez, automatiquement, votre cerveau va faire comme « Oh, hé, il se passe de quoi, là? Ouais. » Tu viens de faire le contraire de ce que t'as dit. Et ça va faire en sorte que vous allez voir les choses beaucoup plus positives à la longue. Parce que plus vous allez le faire, plus ça va être joyeux, en fait, dans votre vie. Et vous allez être beaucoup plus productif aussi. Admettons que vous avez un gros travail à remettre ou que vous avez une grosse tâche à accomplir au travail, essayez de sourire en la faisant. Je sais, parfois, ça peut être vraiment plate là, ou ça peut être vraiment très difficile, mais il y a des études qui disent que ça va vous rendre 12 fois plus productif de sourire. Et honnêtement, ça coûte absolument rien de l'essayer. Donc, on va suggérer à nos amis des aigles de sourire quand vous jouez au baseball. Puis peut-être que vous avez gagné des fois. C'est ça, peut-être. Peut-être que si les joueurs souriaient en s'en allant frapper la balle. C'est quoi sourire en espagnol? Vamos, non. Non, ça c'est bas. Ah. En tout cas, vous allez passer des moments qui vont être beaucoup plus fun aussi avec vos amis et les gens qui vont vous entourer. Donc, sourire quand vous passez, par exemple, un moment avec les gens qui vous entourent, que vous aimez le plus, que ce soit pendant un festival ou que ce soit pendant une soirée devant la télévision ou peu importe, c'est une façon de leur communiquer que vous passez un beau moment avec eux. Sourire, si tu te dis que tu vas à une première date, puis que la personne devant toi a pas souri une fois, elle rappelle-la pas. Ben non. Sérieux, là, je pense que ça a pas été ta meilleure date. C'est ça. Si vous passez votre temps à sourire et que la personne devant vous ne sourit absolument pas... Veux-tu de ça dans ta vie? Non. Veux-tu de ça dans ta vie? Non. C'est la vrai. Réponse est clairement non. En espagnol, le nom commun, un sourire, c'est sonrisa. Alors que le verbe, c'est sonrir. Ah! Tu vois? Sonrire. Sonrire. Donc, si vous allez au stade ce soir ou vous écoutez sur les ondes, criez ça en espagnol. Sonrire. Sonrire. Sonrire. Sonrir. Au lieu de... Let's go, Mathéo! T'as pas fini le clap jusqu'à la fin. Vous allez pouvoir crier sonrine, sonrine, sonrine. ça va revenir à ça vient de seul. Exactement. C'est contagieux. Donc, le sourire, quand même bien qu'on parle que le rire a un effet bénéfique sur la santé, le sourire aussi, c'est merveilleux. Bien dit. Laissez-nous voir vos dents. Et que t'es positive, Tania. Hey, c'est fou, hein? Ça se peut pas, ça, où t'essaies d'être positive. Hein? Qui le sait? Personne ne le saura. Sauf moi. Et voilà. Merci, Tania. Ça fait plaisir. On fait Tania is gonna entertain you une fois ou deux par semaine tout l'été à San Lavrocki, n'est-ce pas fantastique? Quand Mathieu l'oublie pas. Ouais, faut que tu me rappelles, j'ai pas de mémoire, tu sais. C'est ça. On va écouter un petit peu de musique, tiens, pourquoi pas, vu que t'as le sourire facile en ce moment. Oui. Je crois que tendre est ton âme. Tendre et l'âme de François and the Atlas Mountains sur Assemblage Rocky. Sur l'étoile soir se livre, fixe la lune en équilibre, tendre est son âme. Sur la ville cubiste et tendre, ses rêves comme une pluie de cendre, tendre est son âme. Des voix d'hommes fortes insistent, le cri redescend l'artiste, comme les contes, les cales qui le cuisent, dont l'alcool l'agonie. Nique son âme. Et dans le club, la danse la triste. Quand lui s'élance le disotiste, quand passe l'heure qu'il espère, qu'il enlace et qu'il prend son âme. À le faire descendre, lui résister. Le feront descendre s'ils insistent. Verront s'épandre un volcan triste, cendre et lave. Le sommet penché, il vit. Solides sont les allées publiques. Contre l'âme, les voix comme les coups des femmes. Rocky pour la semaine du 19 juin 2017. Elle est Tania Baudin. Et Mathieu Plante. On a deux invités spéciaux maintenant en studio. Vous connaissez déjà Marianne Doyon parce qu'on l'a reçue pour parler de ses heureux plats de la chasse galerie. Ah, coucou! Salut, ça on va? On a aussi un petit nouveau, là. Un petit nouveau, Thomas. Salut. Salut, qui lui est le photographe officiel de la chasse-galerie. C'est un employé à temps, j'imagine, à temps plein, voilà. Et graphiste. Graphiste, absolument. Surtout graphiste. Ils portent tous plusieurs chapeaux, même si Marilyn a enlevé physiquement son chapeau parce que les écouteurs ne lui faisaient pas avec. Non, ça marche pas. C'est ça. Ils sont aussi pour nous parler d'un projet. Le projet. Ça fait plus hot, dis-le. Ouais, c'est ça. Donc, un projet dont Tania a fait des petites recherches parce qu'elle est vraiment prétentieuse. Et pendant que moi, j'animais, elle n'écoutait pas et regardait page Facebook. Je suis une femme, je suis capable de faire deux choses c'est en même temps. C'est ça. C'est quoi ce projet-là, Tania, donc? C'est l'étage des artistes. Oh, l'étage des artistes. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Ben, toi, essaye donc d'en parler. T'avais juste à pas dire ça. T'as fait tes recherches. Hein? Allons-y. Non, mais vous présentez un artiste, peu importe l'art, à chaque jour. Donc, un artiste différent à chaque jour. Oui. C'est ça. Sur Facebook? Juste sur Facebook? C'est une page présentement Facebook. On y va... À page ouverte, on essaye, mais pour l'instant, en 5 jours, on a 150 likes. Donc, ça devrait quand même bien aller. Est-ce que les gens doivent proposer des œuvres d'art, de la musique ou peu importe, ou est-ce que c'est vous qui allez les chercher? Et présentement, c'est nous qui allons les chercher. Ils sont c'est un peu timides, donc... Ouais, hein? Les gens n'aiment pas ça, parler d'eux-mêmes en bien, contrairement à Tania qui dit qu'elle fait sa recherche. Je l'ai dit à l'extérieur des ondes, c'est toi qui l'as plugué. C'est jamais un secret avec moi, ça finit toujours en ondes. C'est vrai. Qu'est-ce que vous avez mis comme de l'avant dans votre page jusqu'à maintenant? Ça, il fait ses recherches, là, il s'en souvient plus. Ben, je vois quelques artistes musicales. Oui, il y a artistes musicales pour l'instant. Il y a tatoueur et il y a un de mes amis aussi qui fait de l'art visuel. En fait, il se met un casque pour les yeux. Okay. Ainsi qu'il y a deux manettes devant lui. Il choisit toutes ses textures. Il choisit les couleurs, les effets visuels qu'il veut créer. Puis c'est vraiment dans son monde à lui qu'il va créer toutes ses œuvres. Donc c'est... Lui, il est parti de zéro. Il a fait une œuvre à chaque jour. Puis il est rendu à 20 000 followers sur Instagram. En peu de temps, il fait maintenant les Backstreet Boys, les shows des Backstreet Boys, ainsi que Lady Gaga. Et Madonna. Et Madonna. Est-ce qu'on parle de quelqu'un de local ou... Non, il vient de Magog, il vient de mon coin. Donc, il n'y a pas de limite, là. C'est vraiment un artiste qui peut être de n'importe où. En fait, on fixe au Québec. Canada, maximum. OK, francophone, potentiellement. Et voilà. Donc, jusqu'à maintenant, vous avez dit que vous en avez trouvé un par jour depuis combien de temps? Oui, ça fait 5 jours qu'on a ouvert la page, puis ça va de son plein gré... jusqu'à présent, et on ne tient pas. Lâcher le bout, même quand je vais être en voyage, hein, mec? Jamais. Ils se donnent des bines à Thomas, mais oui, c'est ça. Marilyn, on l'a déjà dit, s'en va en voyage dans les prochains jours. Oui. Ben, en fait, si tout va bien et Bertha tient son coup, on part dimanche. Bertha, c'est la vanne. Oui, c'est ça, Bertha est en la vanne. Oui, sinon, on part maximum lundi pour réparer la vanne avant de disparaître quelque temps. Pour un mois, c'est ça? Un mois et demi, presque deux. Oh, quand même! Grosses vacances! Oui! Donc, est-ce que c'est vous deux ou est-ce que vous avez d'autres gens avec? On a deux quatre. Autres. Ouais. Quatre, qui sont les autres? Un de mes amis qui est aussi artiste, il crée des toiles. Puis sinon, j'ai une de mes amies qui travaille à l'amphithéâtre de Trois-Rivières pour les programmations et ainsi de suite. Mm-hmm. Fait qu'on est quatre au total. Et vous, vous faites quoi dans la vie à part de ça? Est-ce que vous êtes étudiant en quelque chose de précis? Ça fait combien de temps? Étudiant en marketing à l'université. Je suis français. Allez. Ça fait 2 ans que je suis au Québec. Oui, t'es français. T'es arrivé ici, là. T'es comme un petit nouveau. Un petit vierge. Je vais vous piquer vos femmes puis votre job. C'est ça, exactement. Marilyn, est-ce que t'es étudiant? Non, moi j'ai fini depuis beaucoup trop longtemps, mais je suis chef à la chasse-galerie. Exactement. Et oui, on lui a parlé plusieurs fois à l'émission, c'est pour ça que vous reconnaissez peut-être sa voix. Mmh. Donc votre page, on peut la suivre, c'est comme ça qu'on peut se suggérer si on est artiste, est-ce qu'on peut faire ça? Oui, sinon on a un Gmail que Doud va dire. C'est l'étage des artistes, @. Sans apostrophe, sans accent. Sans apostrophe, sans accent. Ben, il y a un accent français quand tu le dis comme ça. Je peux le forcer si tu veux, Mathieu, aussi. Il s'acclimate, Dites-moi, ça vient d'où, ce projet-là? Pourquoi vous avez décidé de partir une page sur des artistes? Ça vient de nous deux, en fait. Ça a parti à la base avec les chandails de la chasse-galerie qu'on s'est fait faire. Thomas fabrique... J'ai parti l'idée, puis toutes les deux, on a créé des chandails. Lui, il les a visualisés, il les a... fait sur ces sites de géo... Qui les paye sur Illustrator. C'est Illustrator. En tout cas, fait que on les a fait, puis ensuite, on s'est dit, pourquoi ne pas créer une marque de vêtements? Puis finalement, on a parti de plus loin que ça, et on a fait, go, on vise dans les arts. L'ambition ambitieuse, qu'on peut dire. Et voilà. Est-ce que vous allez calculer la nourriture et tout ce qui vient en confection dans une cuisine comme un art. Food art. Et j'ai malheureusement pas le droit de parler nourriture dans cet aspect de l'art. À cause d'une entente de son contrat avec la chasse-galerie. Et voilà. Et, pour vrai. Fait que je ne peux toucher à la nourriture. Ben, c'est un conflit d'intérêt, on va se dire. Tu pourrais plugger tes amis restaurateurs. Je sais pas. Je ne crois pas, non. Je penserais pas. Non, parce que Marilyn est la tête d'affiche de la chasse-galerie. Voilà, ben, on l'a vu. Ça. T'es rendu avec des petites cartes d'affaires à la chasse-galerie. Eh oui, pour le traitage. Ça se passe, là. C'est pas des jokes. Est-ce que c'est Thomas qui a fait ces cartes d'affaires-là? Non, c'est moi. Son premier projet toute seule sur Illustrator. Oh, hey, bravo, Marilyn. Hey, le menu traiteur aussi, quand même. OK, c'est vrai, c'est moi qui l'ai refait, mais Ah, ben, tu sais, c'est du travail d'équipe, on aime ça. On fait ça, du travail d'équipe. Tout à fait. Bref, on aime ça. L'étage des artistes sur Facebook, sur Gmail, l'étage des artistes à gmail.com. Si vous voulez, est-ce que même si on n'est pas artiste, on peut proposer quelqu'un? Oui, parce qu'en fait, nous, notre but, c'est de propager le plus d'artistes qu'on peut trouver. Vraiment de tous les genres, puis de faire en sorte que l'art se connaisse de plus. Qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce que vous voulez voir là, qui manque? Oh, va donc voir dans les albums photos. Oui, photos. Photo. T'es déjà allée là, hein, Tania, vu que tu as fait tes recherches. Non, j'ai fait 3 secondes de recherche, OK? Les albums, maintenant. Les albums, oui. Ici, c'est ça? Oui. À l'écran, numéro 3. Exactement, caméra. Il y a juste un album, non? Oui. Ah, fuck, ça veut dire que ça n'a pas, pas okay. applaudi. Donc, il y a ébénisterie, il y a les textes aussi. Les gens qui écrivent des textes, poèmes, SMS. Je ne suis pas sûre de cela. C'est ça sur Snapchat. Hey, est-ce que vous avez un Snapchat? Non, parce pas encore. Non, mais Instagram. Snapchat, c'est un jeu de mots. C'est ça. Pensez-y. Ça serait malade. Ouais. Ils sont pas tous à la chasse-galerie. Ça serait bon. Ouais. Un jour. Je t'ai coupé, t'étais en train de dire quelque chose. Ébénisterie, hein? Poétrie. Littérature, photographie, on n'en a pas tant. Non, non. C'est à tout. En fait, on n'a pas photographie. Estampe. Oui. Musique. Sculpture. Musique. Sculpture, c'est bon, ça, j'aime ça. Musique, on en a un peu. Ah oui, court-métrage aussi. OK, ouais. Oui. Et c'est vraiment dans tous les styles. Parce que on va s'entendre, chaque personne ici a ses favoris en art. Ben oui. Ben oui. Donc, si on peut toucher... Ah ouais. Oui, c'est ça, la radio, ben c'est toi, aussi. Toi, t'es mauvais, là. Mais... Il y a un début à mais... mais tout ce qu'on veut, c'est vraiment toucher le plus de personnes possible pour que l'art se propage de plus en plus au Québec. Puis, si on peut, Canada. Oui, que ça prenne de l'ampleur. Et voilà! Art. Peut-être aller en France un jour. Ouais, ouais. Ben, on n'aime pas tous la France, là, tu sais. Hein? Hein? On aime un Français. Oui, oui, oui, ouais, on le tolère. Bref. On le voit tous les jours maintenant. Avant, on le voyait squatter la place. Maintenant, ouais. Il est tout le temps là et c'est officiel. Oui. C'est un meuble. Maintenant, un il y a un titre qui vient avec. Le titre, exactement. Non, mais on apprécie votre travail. On aime tout ce que vous faites. Je pense que c'est vous êtes des amis de la radio et vous revenez nous parler quand vous voulez. Et on va suivre votre projet sur Facebook, l'étage des artistes. Oui, bravo, Mathieu. Faut le retenir. Oui. Pas évident. Hein? Facebook et gmail.com. Et merci à vous deux, Thomas. Groot. On a l'air d'une croûte. C'est de la choucroute. On aime ça, c'est la choucroute. Et puis, Marilyn, Cordoyon Bleu, comme je l'appelle. Et voilà. Il vous faut des Quel surnoms. Bon nom. Oui. Maintenant, vous avez chacun votre surnom. C'est cool. Chouchou. Avec chouchou. Snapchat. Avec Snapchat. Snapchat. Un jour, il y en aura. Un jour. Merci à vous deux. Merci. Vous passez quand vous voulez. Et en fait, si ça vous tente de rester, si vous avez du temps devant vous, on va faire une grosse pointe adresse tantôt et on a quelque chose à goûter. Fait que si ça vous tente de le goûter, ben vous oui. pouvez rester, c'est pour vous. Nous, on va prendre une petite pause musicale pendant ce temps-là. J'ai entendu dire que vous avez planté un petit sentier pour la chasse-galerie. On pourrait en parler tantôt si ça vous intéresse. Ouais, aussi. Alors, oui. On va écouter les sentiers de terre de Sago, puis on vient avec vous juste après. Si ça vous êtes ensemble à Jockey! Au 89 FM! 969-1. Pour plus d'informations, visitez cifou.ca. Vous avez manqué de justesse un juron de la part de Tania Baudin. C'est ma mère qui va être contente. Dans son large requis pour la semaine du 19 juin 2017, elle est Tania Baudin. Et Mathieu Plante. La susmentionnée personne qui parle mal. Oui, exactement. On est toujours avec Marilyn Doyon. Et Thomas Groult. Hello. Salut. C'est comme Tom, il est comme en slow-mo présentement. Non, mais tu sais, si mettons, il faisait des huîtres, à la place d'avoir moult huître, on pourrait avoir Groult huître. Oh, ce serait pas pire. Wow. Wow. Hein? Wow. Non, il y a tellement de possibilités avec ce nom-là, c'est incroyable. Donc, la raison pour laquelle on a gardé les deux, c'est que, ben, on va on faire est fatiguant, puis tu nous aimes. Ben, c'est ça, exact. On va goûter un produit tantôt dans c'est une grosse pointe d'adresse. Qui décolle plus, on reste. Ah, je l'aurais demandé. C'est vrai. Mais avant de faire une grosse pointe d'adresse, on voulait parler de quelque chose de nouveau à la Chasse-Galerie. L'autre fois, en direct à l'émission de jeudi dernier, je crois, Tania et moi, on a remarqué des gens qui sortaient des poches de terre oui. d'un camion. Et on l'a dit en ondes. C'est ça. De exactement. Ma van qui était vraiment sur le point de perdre la suspension c'est arrière Bertha? Droite. Oui, c'est Bertha. Bertha. C'était Bertha, oui. Wow. Mais bref, on s'est dit, est-ce qu'ils partent un jardin pour la Chasse-Galerie? Et là, en tant que tel, je pense qu'on a raison. Et oui, oui, on a basilic, thym, en bref, plein de fines herbes, des tomates, des poivrons, des concombres. Et prêt, tout ça que tu vas inclure à tes menus? Oui. Oh mon Dieu. Ça va faire réduire le budget oui, de dépenses. C'est vrai. Il y a les drinks aussi. On va avoir de la menthe. Oh, oh. Fait que des mojitos. Mojito. Ça oh, sent bien. Oui. Ah! C'est l'été, mojito. Ouais. C'est fantastique. Donc, vous allez faire la femme la plus heureuse de moi. Où est votre jardin secret? Ouais. Juste derrière la terrasse, sur le côté de la Chasse-Galerie. Non, ben sympathique, ça. Fait que vous avez eu l'accord nécessaire. De l'UQTR? On l'a pas demandé. Comment tout le monde parle en même temps? Tania, quoi? Je disais, est-ce que vous avez eu l'accord de l'UQTR? Ouais. Il fallait pas dire en nom. Ouais, c'est ça. Mais moi, suspense. Est-ce que c'est le coin où les gens font pipi après avoir bu? Je sais pas quel nom. Ben, de ce qu'on m'a dit, parce que justement, le point a été évoqué, et ouais. les agents de sécurité sont supposés beaucoup surveiller avant que le projet arrive, ouais. et maintenant que c'est arrivé, ils surveillent encore plus. Ah ben, s'ils surveillent, c'est merveilleux, on adore ça. Est correct, s'ils surveillent. Mais ils sont efficaces, les agents de sécurité de soir à ouais. la Chasse-Galerie. C'est vrai. Oui. Fait qu'il manque juste les marmottes à surveiller, en fait. Ouais, c'est vrai, hein? C'est le seul problème, présentement. Est-ce qu'on est plus vers l'université ou on est plus vers le CAPS? Plus vers la Chasse-Galerie, en fait. OK. Donc, il y a sur le mur de la Chasse-Galerie. C'est ça, parce qu'il y a un petit coin clôture où tu peux pas passer, tu peux pas exactement. Piquer à travers. Exactement. Donc, en théorie, s'il y a des gens qui urinent à cet endroit, ils sont maillés. Ils sont pas censés être là. Il y a des toilettes juste à côté, à l'intérieur. C'est ça, exactement. Ils coûtent pas 25 cents comme au centre-ville. Tout à fait, hein? Non. Donc, on va commencer à voir le fruit de ces labeurs-là bientôt ou c'est déjà commencé? Probablement que la semaine prochaine, ça devrait commencer, mais ça devrait être plus des fines herbes, en fait. Du thym, romarin, basilic, aneth. On devrait commencer à en retrouver dans nos salades. Et vous le saurez peut-être pas, mais sachez que ça vient du jardin de la Chasse-Galerie. Et voilà. Est-ce que ça va être mentionné sur vos menus maintenant? Poussé sous le mur de la Chasse-Galerie. Faudrait passer le message. C'est ça. Au pied du mur. Exactement. Ah, c'est beau. Mais non, j'ai vu que c'est pas tous les jours qu'on voit les petites affichettes là, de menus du jour ou de 5 à 7. Là. Faudrait passer le message. Il faut tout le temps le voir. Sinon, les gens commanderont pas la merveilleuse poutine insupportablement bonne que je commande une à deux à trois fois par semaine. Mathieu, son amour de la poutine. Mais je l'aime tellement. Sérieusement, je sais pas qu'est-ce qu'elle a, mais en fait, je sais qu'est-ce qu'elle a. Tu me l'as déjà dit. Là. Mais la caféine. La bière. Direct. Parce que on avait, je sais que je parle souvent de la poutine quand on te voit, Marilyn, mais je m'excuse. Au début, c'était une poutine un petit peu asiatique. Et depuis que moi et David Ferron de C'est fou, le trotteur, je bon, dis c'est ça, hein? Il m'a collé tantôt sur le fait que je parlais de moi, mais là. Il faut prendre le crédit quand c'est il passe. On a suggéré de mettre la petite sauce du burger aux saucisses dans la poutine. Oui, la sauce barbecue. Ça a été fait et je pense que c'est, si je me trompe pas, rendu la recette régulière parce que je l'ai pris plusieurs fois et c'était tout le temps avec la sauce du burger. Aussi. J'ai passé le message et j'ai dit quand Mathieu passe, mais, ça, mais je pense qu'il sait pas t'es qui, pas. Donc il y en a à chaque poutine. Ah, juste au cas où Mathieu était là. Et voilà. C'est ça. Pour qu'il en parle à la radio. Et voilà. Ou il sait vraiment t'es qui puis t'es le seul à qui il en met. Peut-être. Mais, non, mais je crois vraiment qu'il en met dans chaque poutine. Ça se peut, mais sinon il pourrait y avoir l'option, tu sais. Tu pourrais choisir asiatique. Et Tom a concrétisé le oui, il en met dans tout. C'est la meilleure. Mais c'est vraiment, vraiment très oh bon, oui. La sauce. Oh, oh, oui. Oh, c'est magnifique. Bref, le menu de l'été continue pour encore un bout jusqu'après tes vacances. Oui. Ben, c'est pas des vacances, t'en vas travailler, hein, ça. Qu'est-ce que t'en vas faire en, où tu t'en vas? Ça va road trip. Ouais, un beau road trip. Puis si je peux, je vais peut-être faire un petit rêve d'enfant du food picking. Le cueillir des fruits. Oh! Enfin, je pensais la cueillir des pieds. Non, tu vas aller cueillir des fraises? Probablement des cerises, mais tout reste à voir de la saison. Ouais. J'espère que t'as de la crème solaire. Ah, moi, j'en ai pas besoin. OK. Mais ma compagne, oui, par contre. Ah. Ouais. La crème solaire et la crème pour mettre avec les fraises que tu vas piler, tu vas faire avec du pain, c'est bon, ça. Ah, tu sais, du bon yogourt. Trompe-toi pas avec la crème solaire. De la 60, là, avec des cerises. Pas de sauce barbecue là-dedans non plus. Là. Il y a pas mettre partout, tu sais. Bref, nous voilà au courant de ce qui s'en vient pour l'été. Les 5 à 7 continuent. Le menu estival de midi continue aussi. Maintenant qu'on le sait, là, la session est quasi terminée pour tout le monde. Est-ce que ça veut dire que la chasse-galerie est ouverte à tous les soirs pareil, Tom? Ouais. Oui. Vu ben les mardis, mercredis, reste le karaoké mardi puis la bière à 1$ les mercredis. Comme un gars qui travaille jusqu'à 23h30 avec le baseball les ailes, je te confirme que c'est ouvert. Oui, c'est ça. Parce que ça crie que le tabarnouche. Ah oui! Oh, que ça fait de bonne radio, ça. Ben, c'est de l'école internationale française, hein? Ils ont du guts. Du vouloir. Ben, la dernière équipe était très calme. On espère que la deuxième batch soit pas sage. Ouh! Oh. Hein, Tom? Hein? C'est toi qui vas en profiter. Oui. Profitez des filles, on l'a dit. Non. Vous l'avez entendu non, en non, non, non. Dit-il avec un grand sourire au visage. Breaking news. On parle du pourboire. Que lui donne ou que eux donnent? Non, que eux donnent. Je reçois. Pour okay, faire boire voilà. Les filles pour avoir de l'action. Il va y avoir un boss à la poignée de porte. C'est pas ça que j'ai dit. J'aime pas de même. Il y a un guichet juste pour Tom quand les filles de l'EIF arrivent. C'est comme ça qu'il appelle sa carte de débit entre ses poches. Ah, c'est ça. Dans exactement. Le guichet automatique. Big boy. Maintenant qu'on l'a humilié, en nombre. Je pense que je vais sortir. En temps habituel, c'est moi, mais là, c'est correct. Merci, Tom, d'avoir pris ma place. Vous pourrez envoyer le soir pour que je braille, Mathieu, s'il te plaît. Bon, voilà, on a assez parlé de chasse-galerie. On s'est au courant sur la page Facebook. Les photos sont là du menu, c'est parfait. Oui. Et on va transitionner parce qu'il nous reste, 25 minutes à l'émission et c'est notre dernière demi-heure. Et c'est notre demi-heure préférée, même si on a bien aimé la dernière demi-heure avec vous. Là. Ça battra quand même pas. Une grosse pointe d'allresse. Marilyn a entendu cette chanson thème là trois fois et déjà t'as de l'entendre, je pense. T'es pas le gars qui crie, hein? C'est toi, hein? Non, c'est toi. Non. Je te confirme que c'est non. Pas Mathieu. Une grosse pointe d'allresse, c'est la chronique où on mange quelque chose ou on boit quelque chose qui est sorti tout droit de mon tiroir. Donc, c'est ce qu'on appelle les produits du tiroir. J'espérais que tu dises tiroir et non autre chose. C'est frigo. Hey, c'est rendu bas, cette émission-là. Ah, c'est très bas, ouais. On se fait humilier. Je pensais que c'est une émission familiale. Oui, avec amour. Exactement. Humilié avec amour. C'est là qu'on goûte à quelque chose qu'on a acheté soit en dépanneur, en épicerie, en pharmacie, dans le commerce. Quelque chose qui est de la malbouffe, quelque chose qu'on ne devrait pas manger. Par là que Marilyn tassait le micro et l'a frappé Thomas dans sa face. C'est de l'action le pur à la radio présentement. Mais elle a dit qu'elle aimait ça jouer pourquoi avec la mousse de haine? Un micro dans ma bouche, c'est spécial. C'est lui qui l'a dit cette fois-ci. Open your mouth, babe. Les amis, j'ai deux produits dans mon sac. Hein, et vous devez choisir si vous voulez quelque chose d'un petit peu plus malbouffe sucré d'une grande compagnie ou est-ce que vous voulez quelque chose de santé sucré d'une compagnie plus obscure. Vous avez le choix. Ouh, mais pourquoi pas les deux? Pourquoi pas les deux? Parce qu'on veut un produit pour la semaine prochaine. Je vais y aller avec le côté obscur de la chose. Côté obscur, Thomas? Obscur. Obscur, Marilyn? Santé. Ouais, c'est le même produit. C'est le même produit. Donc, j'ai pas besoin de répondre parce que vous avez trois personnes qui ont le même vote. Donc, aujourd'hui, on va goûter quelque chose qui va goûter apparemment la noix de coco. Oh, on adore ça. Un petit peu. Donc, c'est de la marque Hungry Buddha. Oui. Un Bouddha affamé. Okay. On l'appelle. Ce sont des croustilles de coco cuites. On adore ça. Au miel céleste. Oh, bien. C'est quoi un miel céleste? C'est le miel de Bouddha. C'est la reine. De c'est Bouddha, ça. Exactement. Et en anglais, c'est Heavenly Honey, donc du miel paradisiaque, si on veut. C'est une formule toute naturelle. C'est un sac de 40 grammes. Ça dit que c'est du projet sans OGM, vérifié sans OGM. 1% pour la planète, je sais pas trop ce que ça veut dire. 1% for the planet. C'est sans gluten. Vivez sainement, soyez heureux et mangez bien. C'est leur slogan. C'est végétarien. C'est végétarien. Wouh! L'aventure est sur l'horizon. Grignotez en conséquence. Bouddha Brands Company veut encourager

Ah, je l'ai vraiment pas. C'est sûr qu'ils ont plus l'air de des croustilles. C'était raté comme ça. C'est sûr qu'ils ont l'air de la poudre. Très beau lancé, Mathieu. Très beau lancé. Je suis pas un gars de sport, hein. Je suis un gars de mise en onde de sport. Donc, on va continuer avec des petites nouvelles de fast-food. Si ça vous intéresse, si vous avez encore le temps, vous pouvez nous dire. J'aime si le fait que Marilyn fait toujours un effet. Mais je t'ai vu la dernière fois faire ça. J'embarque. De marcher en onde? Ouais. Oui. Ben oui, c'est elle s'est rapprochée du micro très près. Ben oui, parce qu'il faut bien entendre. Il faut bien qu'ils servent à quelque chose, ces micros-là. On va commencer. Aujourd'hui, j'ai une thématique burger dans mes nouvelles de fast-food. Commençons avec un truc, avec un cube de glace pour que vos burgers soient super juteux. Est-ce que tu as déjà entendu ça, Marilyn? La glace pour rendre les burgers juteux? Qui fondent dans la bouche, non? C'est selon le juge de MasterChef, Graham Hilliot. Donc, le secret pour des burgers super juteux, c'est un cube de glace. Donc, tu fais tes boulettes, ensuite, tu mets un petit cube de glace dedans, dessus, et quand tu le passes au grill, ça va le rendre humide et ça va l'empêcher d'assécher. T'as juste à le mettre au centre de chaque boulette, et quand ça va cuire, le cube de glace va fondre et ça va distribuer de l'eau, du liquide, partout dans ta boulette. C'est pas génial, ça. On dit aussi de ne pas surassaisonner votre viande de hamburger. On recommande de laisser tomber le poivre, la poudre d'oignon et des trucs comme ça pour laisser le jus de la viande être la vedette de votre repas. Est-ce que tu es d'accord avec ça, Marie? Notre chef dit oui. Ça, oui. Chef dit oui? Good. Chef dit oui. Je veux ton approbation à chaque nouvelle. Le coup de glace, ça fait trop longtemps, je pense que je touche plus la viande que je le savais pas. C'est ça. Ah, on oublie tout le temps parce qu'elle sert de la viande à la chasse-galerie, mais elle est végétarienne. Mm-hmm. Voilà. Et non végétalienne. Non, je suis pas rendue là. Ensuite, c'est une étape de plus, ça. Ouais. Non, je ne suis pas prête. Ça comprend. On parle maintenant d'un service qui s'appelle Burger Box, qui envoie des ingrédients pour faire vos propres burgers par la poste. Mmh. Hein? Donc, ça s'appelle... Effet sonore. Le Burger Box. Avec une recette qui s'appelle le Hot Mess Feast Kit, entre autres. Donc, Burger Box, c'est un ensemble pour les de la part des gens de la compagnie Boston Burger Company. Donc, c'est fait pour les occasions spéciales, quand vous voulez vraiment une expérience burgerifique malade. Donc, il y a plusieurs kits desquels vous pouvez choisir. Ils ont commencé sur le blog That's Nerdalicious avec le Hot Mess parce que ça a gagné la bataille de Rachel Ray. Vous connaissez la chef Rachel Ray à la télé américaine. Elle a fait The Battle for the Best Burger, une compétition au niveau national, et ça a gagné ce prix-là. Donc, ils vous envoient les ingrédients par la poste dans une boîte qui est gardée au froid, etc. Donc, vous recevez ça dans des petits sacs, dans des petits plats d'aluminium, etc. Chacun des ingrédients. Et vous pouvez faire vos burgers qui sont les meilleurs selon des chefs. Donc, allez voir ça. Et Colin, ça m'aide. Les boulettes ont vraiment l'air d'arriver genre énormes. Oui, absolument. Et fraîches. Génial. Donc, ça prend environ 45 minutes pour faire le repas. Et puis, vous pouvez vous abonner, vous inscrire sur burgabox.com, burgabox.com, en dollars américains et sans le shipping canadien, le cas échéant. C'est 65$ US pour un ensemble de pour deux repas. C'est pas peu cher, mais bon, si c'est des bons burgers. Hein. Faut se méfier des grèves. Des grèves? Des greffes? Non, des grèves. Grève de la poste? Oui, voilà. C'est vrai, hein? C'est vrai. Si t'avais un souper de prévu puis qu'il y a la grève, on laisse faire. Est-ce que t'es en train de dire que les gens devraient à la place commander le traiteur de la chasse-galerie? Clairement. Oui, mais ça? À partir de cet automne. C'est ça. Ensuite, on parle d'un robot qui va préparer des burgers dans une dans un établissement qui s'appelle Cali Burger. Donc, dans le futur, bien sûr, les robots vont remplacer tout le monde dans leurs emplois. Donc, si c'est un robot cuistot capable de préparer des burgers qui va travailler pour Cali Burger, c'est la création de Miso Robotics. Cali Burger, c'est une franchise qui propose des burgers style californien. Le robot est actuellement en plein test dans les restaurants, dans le restaurant, pardon, de Pasadena. Et si tout se passe bien, il devrait être déployé sur les 50 restaurants de l'enseigne durant les deux prochaines années. Flippy, c'est le nom du robot, peut cuisiner et retourner les steaks et peindre des burgers. Grâce à ses capteurs, il est capable de déterminer lorsque la cuisson est optimale et que le burger peut être servi. Flippy prévient aussi les cuisiniers humains lorsqu'ils peuvent ajouter le fromage et les autres ingrédients. Donc Thomas, fais attention à tes fesses. Ouais. Ça me fait penser à Terminator. C'est vrai. Mais indestructible. Donc le Cali Burger, le Flippy chez Cali Burger. Ensuite, un stade de baseball qui vend une saucisse à hot dog enveloppée dans un burger enveloppé dans du bacon. C'est une pizza, wow. C'est quoi? Et en fait... Ah, c'est pas la même chose, ça. Ok, je regarde pas. Est-ce que tu m'as devancé, c'est ça? Non, c'est parce qu'à côté, sur l'article, il y a une photo avec une pizza. Ah, j'avoue, ouais, moi. Bref, le Surprise Stadium. Donc, Surprise Stadium, qui est l'endroit où s'entraînent les Texas Rangers et les Kansas City Royals, vont vendre le Triple Play Hot Dog pendant la pré-saison, on s'est déjà passé. C'est un tiers de livre de saucisse à hot dog enveloppé dans une boulette d'hamburger de 5,3 onces, enveloppé dans deux tranches de bacon. Ça coûte 8,75 $, contient 890 calories avant le fromage nachos. Hey boy. Bien sûr. Petit prêt payé, évidemment, pour avoir autant de plaisir dans la bouche. Oui, après ça, t'as une visite à l'hôpital gratuite. Ah! Je pense que j'ai faim. Et puis la végé a mal au cœur. Oh, c'est ça. Pour toi, t'as raison. J'ai vraiment pris la meilleure thématique pour Marilyn. Oui, oui, vraiment. Oui. J'ai tellement envie d'en manger. Là. Et on rappelle que Marilyn est arrivée pendant l'émission pour nous dire qu'elle allait venir, fait que j'ai même pas prévu ce bloc-là pour toi. Et c'est vrai. Là, c'est un fail total. Ensuite, le ham dog est un mi-hamburger, mi-hot dog. Si vous regardez la forme sur la photo sur assemblagerequipe.com, c'est particulièrement laid. On s'imagine un pain hamburger rond. Oui. Avec deux queues sur le côté. Là, c'est un spinner. Hey, c'est un fidget spinner. C'est ça un burger spinner. Ça. C'est incroyable, t'as tellement raison. Donc, Mark Murray, habitant à Perth, en Australie, c'est lui qui a eu l'idée en 2004. En 2009, wow. Cet hybride mi-hamburger, mi-hotdog a été breveté. L'an dernier, il passait à la télé locale sans succès. Un an plus tard, le hamdog était en vente dans sa ville avec la volonté de s'étendre dans tout le pays. Donc, c'est un pain breveté, un steak haché coupé en deux avec au milieu du jambon, de la laitue, de la tomate, du fromage, des petits cornichons et trois sauces, de la moutarde américaine, des tomates, de la mayonnaise. Sauce tomate, ça veut dire ketchup. Ketchup. Et mayonnaise, que des produits locaux, sauf pour les cornichons. L'entrepreneur ambitieux croit dur comme fer en son ham dog. Il a un restaurant à Perth depuis 2 mois maintenant. Il cherche actuellement des investisseurs à hauteur de 10 000 $ qui voudraient ouvrir un restaurant franchisé. Apparemment que le ham dog présentement est un grand succès, même si leur graphisme Est vraiment très, très, très... Ils ont besoin de toi. Basique. C'est dégueulasse. Mais le pain breveté, sérieux, je veux dire, pour vrai, c'est un pain hamburger qui ont étiré côté. C'est vraiment ça. Ou un pain hot dog qui ont étiré milieu. Un des deux. Mais on voit que la boulette est comme coupée en deux. On lui enlève, j'imagine, une lanière dans le milieu. Probablement. Ou ben, tu fais juste la couper en deux et... Mais ça va dépasser, non? Mais non, c'est juste... Si c'est breveté, c'est mesuré. Si c'est breveté, c'est... Hey, c'est un beau titre, ça. Si c'est mesuré, c'est que c'est breveté. Si c'est breveté, c'est que c'est mesuré. Ou si c'est breveté, si c'est mesuré, c'est breveté. Je sais plus. Un des deux. Ouh. Bref. Oui, on peut passer. Le ham dog. Ensuite, Colin, hey, tu nous as vu venir tantôt parce que l'article dont tu parlais dans le coin de la page était effectivement dans ma liste de sujets desquels je parlerai aujourd'hui. C'est un pâté chinois dans une pizza. Non, c'est un cheeseburger à l'intérieur d'une pointe de pizza. Wow! C'est incroyable. Donc, c'est par JP chez Healthy, mais Hell comme de l'enfant. Healthy Junk Food. C'est comment faire un cheeseburger au bacon à l'intérieur d'une pointe de pizza. Ils ont aussi la même chaîne YouTube. Fait leur gigantesque croquette de poulet sur YouTube. Apparemment, c'est un grand succès. Bref, ici, c'est 2000 calories. Et c'est ça. Y a pas grand chose à dire d'autre que ça. C'est un burger dans une pizza. Que veux-tu dire de plus? T'as la boulette, t'as le fromage, t'as les pickles, le bacon. Et la pizza est une pizza pepperoni fromage. Classique. Et c'est 2000 calories par tranche. 2000 calories par point de pizza. Si vous prenez la pizza au complet, vous allez déjà être mort avant la fêlée. C'est ça. Ensuite, toujours dans la thématique burger, dans une grosse pointe en dresse, on continue avec Burger King qui nous sert un burger avec un œuf miroir servi dans un carton d'œuf. J'aime l'idée. Mais c'est en France, Tom. C'est en France, du coup. Depuis quand il y a des Burger King en France? Il y a toujours eu des Burger King en France. Ça fait 2 ans que t'es parti, là. Ça fait 2 ans. C'est juste qu'ils les appellent les Burger King. Bel accent français, Mathieu. C'est sûrement à côté du KFC qui est l'appellation du PFK en France. Hein. Ils sont pas capables de prendre le nom français, c'est KFC. Du McDonald's. Du McDonald's. Il y a même pas de A dans Mac, mais ils disent McDonald's. C'est vrai. Ah. Ils sont de même. Bref, je te l'ai dit, les Français, je les comprends. Donc, Burger King... Bleu. Non, hein. C'est nouveau en France, le Egg Burger, qui vient avec un œuf miroir, donc sunny side up, le jaune pas pété. Et c'est emballé dans un carton d'œuf. En fait, c'est fait pour ressembler à un carton d'œuf. Il y a pas les... Il y a juste les trous... Oui, oui. C'est comme un carton d'œuf que tu couperais au quart, au tiers. Ouais. Au tiers? 4, 8, 12, ouais, tiers. Bref, l'œuf est accompagné d'une boulette grillée à la flamme du grill. Fromage, tomate, oignon croustillant, bacon, mayonnaise et sauce barbecue sur un pain au maïs. Une version avec deux boulettes est aussi disponible. La boîte imite un carton d'œuf, comme on l'a dit. Et puis, c'est le nom collé sur le dessus. Image abstraite d'un burger, voilà qui prend la place du deuxième E dans le mot burger. Ensuite, on reste chez Burger King, on s'en va en Inde où on a un burger au chow mein. Au chow mein. Ça s'appelle le Shanghai Burger. Ça vient avec donc du chow mein croustillant et de la sauce Kung Pao. Donc c'est une thématique asiatique, une thématique chinoise en Inde. En plus des deux ingrédients, le burger vient aussi avec de la sauce au jalapeno piquant, aux tomates. Non, il y a des tomates, pardon. Aux tomates. Pas aux tomates. Oignon rouge. fromage et soit une boulette de légumes pour Marilyn, une boulette de poulet ou une boulette de mouton sur un pain sésame. La sauce Kung Pao est faite avec du vin Shaoxing d'habitude, des chilis et des poivrons Sichuan. C'est ça? Non, du poivre Sichuan, pardon. Je connais rien là-dedans. Qui est une composante du Kung Pao Chicken. On se dit que c'est disponible avec de la sauce brune, des légumes et de la viande ou des fruits de mer. C'est 159 roupies, 2,39 US avec la boulette de légumes, 2,52 US pour la version poulet et 3,42 pour le mouton. Je suis pas du tout déconcentré par, mais non. Par les selfies de Marilyn tout le long de cette nouvelle. J'en vois pas de quoi. Elle me mordait le bras aussi. Ah oui, ah oui. Ça joue de façon féroce là, dans le coin droit. J'ai manqué ce bout. Faut dire que Marilyn se vante d'avoir été DH. J'ai pas le choix, ça paraît. T'as pas le choix. Donc c'est pour ça qu'elle écoute pas du tout. Est-ce que vous voulez manger des burgers? J'écoute. Ok. Est-ce que vous voulez manger des burgers en forme de Lego? Hey, ça serait pas pire. Vraiment cool, hein? Donc, le design des burgers est fait en forme de Lego. Vraiment cool. Même les plateaux sont fabriqués avec des briques Lego dans l'ambiance... Attends, deux secondes. Vas-y. T'as combien d'amis Snapchat? Oh, Tom! C'est quoi le rapport, babe? Je peux pas taguer quelqu'un. T'as genre 300 amis. Il tape A pour la première lettre. C'est ça, il y en a que 250. Bref, le Brick Burger, c'est le nom du restaurant qui est situé aux Philippines, à Manille. Vous pouvez aller voir une petite vidéo de démonstration du restaurant qui est super ambiance Lego. Les burgers sont en forme de Lego avec les quatre petites pinots sur le dessus et très très cubiques avec le burger en forme de carré. Il y a aussi y a d'autres versions avec du, je pense que c'est du poulet ou sinon des, c'est peut-être du fromage grillé, je sais pas trop quoi. Ça s'appelle les Awesome Burgers. C'est chez Brick Burger. Continuons avec, on reste dans le même domaine des Lego. On va chez Burger King avec le Whopper Meal Machine. C'est une machine de Astonishing Studios qui est de plus en plus sophistiquée. Leur nouvelle création, c'est une machine distributrice qui donne des frites, du Coke et des Whoppers. Ça fonctionne sur un module Lego Mindstorms. Et il y a même une fente pour insérer de l'argent. Vous pouvez la voir en vidéo sur assemblagerequis.com. C'est donc une machine distributrice. Tu mets de l'argent dedans, il donne un Whopper, des frites et de la liqueur. C'est génial. C'est fait avec des Lego. C'est fait avec des Lego. Ensuite, on a le président directeur général de chez Red Robin, c'est une chaîne de restaurants aux États-Unis. Il a 59 ans. Il s'est fait tatouer un hamburger après avoir perdu une gageure avec ses employés. Il dit que son fils, qui a 22 ans et 3 tatous, trouve ça hystérique, alors que son mari, c'est une madame, Denny Marie Post, a 59 ans, 30 ans d'expérience dans le domaine du fast-food, a l'air de quelqu'un qui ne se ferait pas faire un tatou habituellement, mais une gageure a été faite. Elle s'occupe des 550 restaurants pardon, de chez Red Robin Gourmet Burgers. Et il y a 6 mois, elle avait dit aux gérants mid-level managers que s'ils avaient une meilleure note sur un sondage de la part des clients qui demandaient si les clients recommanderaient le restaurant à un ami. Alors là, elle se ferait faire un tatou d'un burger de chez Red Robin et la voilà en train de se faire tatouer. Allez voir les photos sur assemblagerequis.com. C'est joli, c'est un beau burger quand même, un petit burger de dessin animé, bande dessinée un petit peu avec un petit cœur dans les mains, c'est cute. Voilà. Ensuite, justement, parlant de tatouage, pour avoir des burgers gratuits pour la vie au complet, oseriez-vous vous faire un tatou de burger? Tania? Ça fesse, non. On le voit pas. Marilyn, ça fesse. Mais sans non. Non plus? Non. Non, Tania non plus? Moi non plus. Pour des burgers à vie, c'est le Café 51 à Melbourne, en Australie, qui propose à ses clients un pacte tout à fait singulier, l'opportunité de recevoir une vie entière de burgers gratuits en échange d'un simple tatouage de burger. Donc, si vous faites tatouer la représentation en taille réelle d'un burger servi par le Café 51, vous aurez droit en à votre taille burger. En temps réel. Au moins un client, nous dit-on, aurait déjà sauté le pas et plus de 3000 participations ont été enregistrées. Vous pouvez aller sur leur site internet café51.com.au pour vous inscrire. C'était où, à Melbourne, cette histoire? Ouais, exactement. Mais où? Au Café 51. Au Café 51, ouais, exactement. À Melbourne, dans la ville de Melbourne, en Australie. Je sais pas si... Tu t'en vas où, toi, avec ton voyage road trip? Non, mais je reviens de là, moi. Ouh, c'est ça l'affaire. Et t'as pas croisé le Café 51? Ben ça me dit quelque chose, pour ça je te demandais c'était où, mais laisse faire, on va aller faire le lien tout seul. Hey. Voilà, ça va être tout pour cette chronique d'une grosse pointe d'adresse parce que le temps file. Merci beaucoup à Thomas et à Marilyn d'être restés pour la chronique. C'était super cool. C'est un plaisir. Ok, oui. Et ça va être par le fait même la fin de l'émission de cette semaine. Merci, Tania, d'avoir passé 3 heures avec moi. Merci, Mathieu. Génial. On se retrouve la semaine prochaine, toujours en direct les jeudis entre 14h et 17h. Après nous, aujourd'hui, à 17h, c'est vraiment la rediffusion de Rock Révélé. Oui. Ça commence là pour vrai. C'est là. Ensuite, il y a du baseball à partir de 18h55. Vont-ils gagner? Contre. Les Miners de Sussex. Et voilà, ça commence à 18h55 pour l'avant-match. Ensuite, on joue le samedi entre midi et 15h. Après nous, c'est la rediffusion de En Piste avec Tania Beaudin. Qu'est-ce que tu nous as présenté cette semaine, Tania? Oui, exactement. Ouais, mais j'ai de la difficulté à me rappeler ce que je mangeais pour déjeuner. Là, okay? On a discuté en fait de ce qui s'est passé durant la dernière fin de semaine. Donc, on est revenu sur le Global Rallycross qui était du côté d'Ottawa. On a aussi discuté de ce qui se passe un petit peu partout sur Internet, dans les rumeurs, dans les discussions. Et on a parlé électrique. Génial. Ça, c'était à partir de 15h le samedi après-midi. Après nous, il y a aussi du baseball aussi à 18h55. Et on repasse finalement les mercredis entre 11h et 14h. Après nous, c'est une nouvelle édition d'Empice avec Tania Baudet. J'ai appris ma leçon de ne pas te demander ce qui s'en vient. Merci. Étant donné que c'est la semaine prochaine, que voulez-vous? C'est fou pour la programmation complète. AssemblageRocky.com pour les notes de l'émission et les balado-diffusions. Qu'est-ce qu'il nous reste d'autre à dire? Bonne semaine. Bonne semaine. Allez manger à chasse. Bonne semaine. Ben ouais, allez manger à chasse galerie. Allez ça. Boire. Ouais, c'est ça, parce que c'est Tom qui gagne, si vous. C'est ça. Si vous qui gagne de l'argent. Oui, juste de l'argent. On se quitte avec Colorado et Born Yesterday. On n'est pas les d'hier. À la semaine prochaine. Bye bye. Your healing eyes, they shine like a rose.